Eurydice de Jean Anouilh, avec Francine Berger, Jacques Rony, Pierre Attet, Jean-Claude Bouillot, Gilles Knezet, Bernard Bouillon, Jean-Paul Tamaris, Maurice Bourbon, Nathalie Canouy, Vincent de Bouard, Philippe Ciboulet et Roméo de Mello Martins, Orphée, Sylvie Ferraud, Eurydice. Musique, Gérard Iglesias, au violon Jean-Loup Descamps, réalisation Jean-Jacques Vierne. Papa, t'as tout de même pas l'intention de faire faire la quête à ton vieux père dans un buffet de gare, fiston? Je joue pour moi. Dans un buffet de gare où il y a d'ailleurs qu'un seul consommateur qui fait semblant de ne pas écouter. On la connaît, la ficelle. Ils font semblant de pas écouter et puis après ils font semblant de ne pas voir l'assiette qu'on leur tend. Mais moi je fais semblant de pas voir qu'ils font semblant. Ça t'amuse tant que ça, toi, de jouer du violon? Je me demande comment, étant musicien, tu peux encore aimer la musique. Moi, quand j'ai bien raclé pour les imbéciles qui jouent aux cartes dans une brasserie, j'ai qu'une envie. Aller jouer aux cartes dans une autre brasserie? Oui, d'ailleurs. Qui te l'a dit? Figure-toi qu'il y a 20 ans que je m'en doute. 20 ans? Oh, 20 ans, t'exagères! Il y a 20 ans, j'avais du talent, comme le temps passe. Il y a 20 ans, au beau jour du symphonique, qui aurait dit à ton père qu'il en arriverait à pincer de l'harpe aux terrasses des cafés, qui lui aurait dit qu'il en serait réduit à faire la quête dans une petite soucoupe. Maman, chaque fois que tu te faisais renvoyer d'une place... Ta mère m'a jamais aimé. Toi non plus, d'ailleurs. Tu ne cherches qu'à m'humilier. Mais ne crois pas que je me laisserai faire éternellement, hein. Tu sais qu'on m'a proposé une place de harpiste au casino de Palavas-les-Flots. Oui, papa. Et que j'ai refusé parce que la place de violon n'était pas libre pour toi. Oui, papa. Ou plutôt, non, papa. Non, papa, pourquoi non, papa? Tu as refusé parce que tu sais que tu joues très mal de la harpe et qu'on t'aurait renvoyé le lendemain. Alors là, je te réponds même pas. Tu continues, hein? Oui. Cela te gêne? Mais ça m'embrouille. 8 fois 7. 56. T'es sûr? Oui. Oh, comme c'est drôle. J'avais espéré que ça aurait fait 63. 8 fois 9 font pourtant tout de suite 72. Tu sais qu'il nous reste très peu d'argent, fiston. Oui. Ah ben c'est tout ce que tu trouves à dire. Oui, papa. Tu songes à mes cheveux blancs? Non, papa. C'est bon, je suis habitué. Alors, 8 fois 7. 56. Bon. 56? T'aurais pas dû me le redire. Nous n'avons pas mal mangé ce soir pour 12 francs 75. Non, papa. T'as eu tort de prendre le légume. Si tu sais choisir, t'as le légume dans le plat garni. Et te permettre d'échanger ton légume pour un second dessert. Dans les préfixes, il est toujours plus avantageux de prendre les deux desserts. Une fois, fiston, j'avais été invité chez Pocardi de Sey, boulevard des Italiens. Alors on m'apporte le plateau. Tu me l'as déjà raconté 10 fois, papa. Bon, c'est bon, c'est bon. J'insiste pas, alors. Dis donc, fiston, c'est bien triste ce que tu joues. C'est triste aussi ce que je pense. À quoi penses-tu? À toi. À moi? Mais allons donc, qu'est-ce que tu vas encore me dire? À toi et à moi. Bon, la situation n'est pas brillante, bien sûr, mais nous faisons ce que nous pouvons, fiston. Je pense que depuis que maman est morte, je te suis aux terrasses des cafés avec mon violon, je te regarde te débattre avec tes additions le soir, je t'écoute parler du menu du prix fixe et puis je me couche. Je me relève le lendemain. Mais quand tu auras mon âge, tu sauras que c'est ça, la vie. Je pense aussi que tout seul avec ta harpe, tu ne pourrais jamais vivre. Tu veux me quitter ? Non. Il est probable que je ne pourrais jamais te quitter. J'ai plus de talent que toi, je suis jeune et je suis sûr que la vie me réserve autre chose. Mais je ne pourrais pas vivre si je sais que tu crèves quelque part. Eh ben c'est bien, fiston, de penser à son père. Mais c'est bien, oui. C'est lourd aussi. Quelquefois, je rêve à ce qui pourrait nous séparer. Non, oh, allons, allons. Nous nous entendons si bien. Une très bonne place où je gagnerais assez pour te faire une pension. Mais c'est un rêve. Un seul musicien ne gagne jamais assez pour avoir deux chambres, quatre repas par jour. Oh, tu sais, je suis très modeste. Hein. Un menu à 12 francs 75 comme aujourd'hui, le café, le pousse-café et un cigare à 3 sous, je suis le plus heureux des hommes. Mais je pourrais à la rigueur me passer. Oui, je pourrais me passer du pousse-café. Il y a aussi le passage à niveau, où le train écraserait l'un de nous deux. Et là, lequel, fiston ? Oh, cela m'est égal. Ah, bah, t'es drôle, pas moi, hein ? J'ai pas envie de mourir, moi. T'as des pensées sinistres ce soir, mon vieux ? Il était pourtant bon, ce lapin. Oh, sacrebleu, tu me fais rire, tiens. À ton âge, je trouvais la vie magnifique, moi. Et l'amour, hein ? As-tu songé qu'il y avait l'amour ? L'amour ? Qu'est-ce que tu crois que c'est, l'amour ? Les filles que je pourrais rencontrer avec toi ? Oh, mon cher, peut-on savoir où l'on rencontrera l'amour ? Je sors un peu sur le quai. Nous avons une heure avant le train. Pardon, monsieur. C'est ici qu'il y avait quelqu'un qui jouait du violon ? Mais oui, mademoiselle, c'est mon fils Orphée. Comme c'était joli ce qu'il jouait. Oh, Eurydice, tu es là ? Il fait une chaleur. J'ai horreur d'attendre dans les gares. Cette tournée est mal organisée, comme toujours. Ce régisseur devrait s'arranger pour que les premiers rôles, tout au moins, n'aient pas à attendre éternellement la correspondance. Quand tu t'es bien exaspérée toute la journée, comment veux-tu te donner le soir ? Mais il n'y a qu'un train, maman, pour les grands et les petits rôles. Et il y a une heure de retard à cause de la tempête d'hier. Le régisseur n'y est pas. Oh, toi, tu soutiens toujours les imbéciles. Qu'est-ce que je sers à ces dames ? Tu crois que nous prenons quelque chose ? Maintenant que tu t'es installée triomphalement dans ce café, il vaudrait mieux. Avez-vous un excellent pipermint ? Oui, madame. Alors un pipermint. En Argentine ou au Brésil, quand la chaleur était vraiment accablante, j'avais toujours recours au pipermint immédiatement avant d'entrer en scène. C'est Sarah qui m'a donné le truc. Un pipermint. Et pour mademoiselle ? Un café. Tiens-toi droite. Comment se fait-il que tu ne sois pas avec Mathias ? Il erre comme une âme en peine. Ne t'occupe pas de lui. Tu as tort d'exaspérer ce garçon, il t'adore. Tu as eu tort d'abord d'en faire ton amant, cela je te l'ai dit à l'époque, mais ce qui est fait est fait. D'ailleurs, nous commençons et nous finissons toutes par des comédiens, nous autres. À ton âge, j'étais plus jolie que toi. J'aurais pu prétendre être entretenue par n'importe qui et je perdais mon temps avec ton père. Tu vois le joli résultat. Tiens-toi droite. Avec un peu de glace, madame. Oh ! Jamais, mon ami, pour la voix. Ce pipermint est exécrable. Je hais la province, je hais les tournées. Mes paris ne se toquent plus que de petites imbéciles qui n'ont pas de sein et sont incapables de dire trois mots sans bafouiller. Qu'est-ce qui t'a fait, ce garçon ? Vous n'êtes pas monté dans le même compartiment au départ de Montélimar. Ma petite Eurydice, une mère est une confidente, surtout quand elle a votre âge. Enfin, je veux dire quand c'est une maman très jeune. Allons, dis-moi ce qui t'a fait. Rien, maman. Rien, maman, ça veut rien dire. Une chose est sûre, c'est qu'il t'adore. C'est peut-être pour cela que tu ne l'aimes pas. Nous sommes toutes les mêmes, on ne nous refera pas. Il est bon, ce café ? Je te le donne, je n'en veux pas. Merci, moi je l'aime très sucré. Garçon, un autre morceau de sucre pour mademoiselle. Tu ne l'aimes plus ? Qui ? Mathias. Tu perds ton temps, maman. le sucre. Merci, mon ami, il est plein de chiures, de mouches. C'est gai. Moi qui ai fait le tour du monde dans les plus grands hôtels, j'en suis là. Tant pis, il fondra. D'ailleurs, tu as raison, il faut suivre son instinct avant tout. Moi, j'ai toujours suivi mon instinct comme une vraie bête de théâtre que je suis. Il est vrai que tu es si peu artiste. Tiens-toi droite. Ah, voilà Vincent. Ah, le chéri. Il a l'air hors de lui. Sois aimable, je t'en prie. Tu sais que c'est un garçon auquel je tiens beaucoup. Ma bonne amie et moi qui te cherche partout. J'étais là, avec Eurydice. Ce petit régisseur est décidément impossible. Il paraît que nous devons attendre ici plus d'une heure. Nous allons encore jouer sans dîner, c'est couru. C'est agaçant, ma chère. On a beau avoir une patience d'ange, c'est extrêmement agaçant. Ce n'est pas la faute du régisseur s'il y a eu une tempête hier soir. Je voudrais bien savoir pourquoi tu prends toujours la défense de ce petit idiot. Un minus, c'est un minus. Je ne comprends pas que Dulac garde un incapable pareil à ce poste. Aux dernières nouvelles, il avait égaré la malle où sont tous les postiches. Et on joue les burgraves demain en matinée. Non mais tu vois ça d'ici, sans barbe. Mais il la retrouvera cette malle. Elle a dû rester à Montélimar. Dans ce cas, il retrouvera peut-être pour demain, mais pour ce soir, pour le déshonneur de Geneviève, Bernic. Il prétend que ça n'a pas d'importance parce que c'est une pièce moderne. Moi, en tout cas, en tout état de cause, j'ai prévenu Dulac. Je ne joue pas le rôle du docteur sans le bouc. Qu'est-ce que vous prenez ? Rien, mon ami. Un verre d'eau. Bien, monsieur. Le 1 et le 2 passent encore. Mais tu comprends bien, ma chère amie, qu'avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas jouer la grande scène de reproche du 3 sans le bouc. De quoi aurais-je l'air ? Où vas-tu, mon petit ? Je sors un peu, maman. Ma bonne amie, tu sais que je n'ai pas l'habitude de monter sur mes grands chevaux. Mais l'attitude de ta fille avec moi est à proprement parler scandaleuse. Mon gros chat ! Notre situation à tous les deux est peut-être délicate, je lui accorde. Quoiqu'après tout, tu sois libre. Tu es séparé de son père. Mais vraiment, on dirait qu'elle prend plaisir à l'envenimer. C'est une petite dinde. Tu sais qu'elle protège ce garçon comme elle protège Dieu sait pourquoi tout ce qui est mal fichu sur cette terre, les vieux chats, les chiens perdus, les ivrognes. La pensée que tu pourrais amener Dulac à le renvoyer, la mise hors d'elle, tout simplement. On peut être hors de soi, mais il y a la manière. Mais tu sais bien que c'est précisément ce qui lui manque. Cet enfant a un bon naturel, mais c'est une petite brute. Tiens, bonjour Mathias. Où est Eurydice ? Elle vient de sortir. Pauvre garçon, il est fou d'elle. Elle était très gentille avec lui jusqu'à ces derniers temps. Et puis je ne sais pas ce qu'elle a depuis 2 ou 3 jours. On dirait qu'elle cherche, qu'elle attend quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a, cet idiot, à toujours racler son violon? Il est agaçant. Il attend le train. C'est pas une raison. Lui, les mouches. J'ai une chaleur. Tu te rappelles le grand casino d'Ostende? C'était l'année où on avait lancé le tango mexicain. Que tu étais beau. Je portais encore les pattes à cette époque. Tu avais une façon de vous prendre. Tu te rappelles le premier jour? Madame, est-ce que vous voulez bien m'accorder ce tango? Mais, monsieur, je ne danse pas le tango mexicain. Rien n'est plus simple, madame. Je vous tiens. Il n'y a qu'à se laisser aller. Oh, comme tu m'as dit cela. Et puis tu m'as prise. Et alors tout s'est confondu. La tête du vieil imbécile qui m'entretenait et qui était resté furieux sur sa chaise. La tête du barman qui me faisait la cour. C'était un corse, il avait dit qu'il me tuerait. Les moustaches cirées des tziganes, les grands iris mauves et les renoncules vert pâle qui décoraient les murs. C'était délicieux. C'était l'époque de la broderie anglaise. J'avais une robe toute blanche. Et moi, j'avais un œillet jaune à la boutonnière et un petit pied de poule vert et marron. Tu m'avais tant serré en dansant que ma robe était toute gravée en rouge sur ma peau. Le vieil idiot s'en est aperçu. Il m'a fait une scène, je l'ai giflé et je me suis retrouvée sans un sou dans la rue. Mais tu avais loué une voiture à pompons roses et nous avons suivi le bord de la mer tous les deux jusqu'au soir. Ah, l'incertain, le troublant premier jour. On se cherche, on se sent, on se devine. On ne se connaît pas encore et on sait pourtant déjà que cela durera toute la vie. Pourquoi s'est-on quitté 15 jours après? Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. C'était vous aussi qui jouiez tout à l'heure? Oui, C'était moi. Comme vous jouez bien. Vous trouvez? Cela s'appelle comment, ce que vous jouiez? Je ne sais pas, j'invente. C'est dommage. Pourquoi? Oh, je ne sais pas. J'aurais voulu que cela ait un nom. Eurydice! Tu es là? Oui. Je viens de rencontrer Mathias. Il te cherche, ma petite. Oui. Vos yeux sont clairs. Oui. On ne sait pas de quelle couleur sont les vôtres. Ils disent que cela dépend de ce que je pense. En ce moment, ils sont vert foncé. Comme l'eau profonde du bord des pierres du quai. Ils disent que c'est quand je suis très heureuse. Qui, ils? Les autres. Vous croyez que vous me rendrez très malheureuse? Je ne crois pas. Ce n'est pas que j'ai peur d'être malheureuse comme je le suis en ce moment. Non. Cela fait mal, mais c'est plutôt bon. Ce qui me fait peur, c'est d'être malheureuse et seule quand vous me quitterez. Je ne vous quitterai jamais. Est-ce que vous me le jurez? Oui. Sur ma tête? Oui. J'aime bien quand vous souriez. Et vous? Vous ne souriez pas? Jamais quand je suis heureuse. Je croyais que vous étiez malheureuse. Vous ne comprenez donc rien? Vous êtes donc un vrai homme. Quelle histoire! Nous voilà dans de beaux draps, tous les deux, debout l'un en face de l'autre, avec tout ce qui va nous arriver déjà tout près derrière nous. Vous croyez qu'il va nous arriver beaucoup de choses? Mais toutes les choses. Toutes les choses qui arrivent à un homme et une femme sur la terre, une par une. Les amusantes, les douces, les terribles. Les honteuses, les sales aussi. Nous allons être très malheureux. Oh, quel bonheur! Ah, l'amour, l'amour. Tu vois, ma belle amie, sur cette terre où tout nous brise, où tout nous déçoit, où tout nous fait mal, c'est d'une consolation merveilleuse de penser qu'il nous reste l'amour. Mon gros chat. Et tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, Lucienne, méprisables ou sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses ou dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. Oui, mon gros chat, c'est perdicant. Tu crois? Bon, je l'ai tant joué. Tu le jouais ce premier soir au grand casino d'Ostende? Moi, je jouais la Vierge folle au Kursaal, mais je n'étais que du premier acte. Je suis venue t'attendre dans ta loge, tu es sortie de scène, encore tout vibrant des beaux mots d'amour que tu venais de dire, et tu m'as aimée, là, tout de suite, en Louis XV. Oh ! Nos nuits d'amour, Lucienne, l'union des corps et des cœurs, l'instant unique où on ne sait plus si c'est la chair ou si c'est l'âme qui palpite. Tu sais que tu as été un amant merveilleux, mon grand chien. Oh, et toi, la plus adorable de toutes les maîtresses. D'ailleurs, je suis folle, tu n'étais pas un amant, tu étais... l'amant, l'inconstant et le fidèle, le fort et le tendre, le fou. Tu étais l'amour, comme tu m'as fait souffrir. Ah, on est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux, Lucienne. Mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé ». C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Bravo, mon gros chat, bravo! C'est encore Musset? Oui, mon chat. Oh, faites-les taire, je vous en supplie. Faites-les taire. Monsieur, madame, vous n'allez certainement pas pouvoir comprendre mon attitude. Elle va vous paraître étrange. Très étrange, même. Voilà. Il faut que vous sortiez. Que nous sortions? Oui, monsieur. On ferme? Oui, monsieur, on ferme pour vous. Mais enfin, monsieur... Mais il n'est pas l'établissement, je le reconnais, c'est celui qui jouait du violon. Il faut que vous disparaissiez tout de suite. Je vous assure que si je pouvais vous expliquer, je vous expliquerais, mais je ne peux pas vous expliquer, vous ne comprendriez pas. Il se passe en ce moment ici quelque chose de grave. Mais il est fou, ce garçon! Mais enfin, sacrebleu, monsieur, c'est insensé, ce café est à tout le monde! Plus maintenant! Ah, c'est trop fort, par exemple! S'il vous plaît, garçon! Non, n'appelez pas, je vous assure, sortez! Je réglerai moi-même vos consommations. Mais nous n'allons pas nous laisser faire, et tu ne dis rien, toi! Mais viens donc, tu vois bien qu'il n'est pas dans son état normal! Je vais me plaindre au chef de garde! qu'ils étaient laids. Qu'ils étaient laids, qu'ils étaient bêtes, n'est-ce pas? Chut! Ne parlons plus d'eux. Comme tout prend sa place maintenant que nous sommes seuls. Comme tout est lumineux et simple. Il me semble que c'est la première fois que je vois des lustres, des plantes vertes, des boules de métal, des chaises. C'est charmant, une chaise. On dirait un insecte qui guette le bruit de nos pas et qui va s'enfuir d'un bond sur ses quatre pattes maigres. Attention, n'avançons pas. Ou alors avançons très vite. Nous la tenons. Et comme c'est commode, une chaise, on peut s'asseoir. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a inventé la seconde. C'était pour des gens qui ne se connaissaient pas. Mais moi, je vous connais. Tout à l'heure, je jouais du violon et vous passiez sur ce quai de gare et je ne vous connaissais pas. Maintenant, tout est changé, je vous connais. C'est extraordinaire. Tout est devenu extraordinaire tout d'un coup autour de nous. Regardez. Regardez le garçon, ses longs pieds plats dans ses bottines à boutons, et cette calvitie distinguée et cet air noble, si noble. C'était vraiment un soir extraordinaire ce soir. Nous devions nous rencontrer, et rencontrer aussi le garçon le plus noble de France. Un garçon qui aurait pu être préfet, colonel, sociétaire de la Comédie française. Comme c'est amusant de vivre. Je ne savais pas que c'était passionnant de respirer, d'avoir du sang qui passe dans ses veines, des muscles qui bougent. Je suis lourde. Oh non. Vous avez tout juste le poids qu'il fallait. Tout à l'heure, j'étais trop léger. Je flottais, je me cognais aux meubles, aux jambes. Mes bras se détendaient trop loin. Mes doigts lâchaient les choses. Comme c'est drôle. Et comme les calculs de la pesanteur ont été faits à la légère par les savants, je suis en train de m'apercevoir qu'il me manquait exactement l'appoint de votre poids pour faire partie de cette atmosphère. Mon chéri, vous me faites peur. Vous en faites bien partie, au moins, maintenant. Vous ne vous envolerez plus jamais. Plus jamais. Qu'est-ce que je ferais, moi, toute seule sur la terre, comme une idiote, si vous me laissiez? Jurez-moi que vous ne me quitterez pas. Je vous le jure. Oui, mais cela, c'est un serment facile. Je l'espère bien que vous n'avez pas l'intention de me quitter. Si vous voulez que je sois vraiment heureuse, jurez-moi que vous n'aurez jamais envie de me quitter, même plus tard, même une minute, même si la plus jolie fille du monde vous regarde. Je le jure aussi. Vous voyez comme vous êtes fou. Vous jurez que même si la plus jolie fille du monde vous regarde, vous n'aurez pas envie de me quitter. Mais pour savoir qu'elle vous regarde, il aura fallu que vous la regardiez, vous aussi. Oh, mon Dieu, que je suis malheureuse. Vous venez à peine de commencer à m'aimer et vous pensez déjà aux autres femmes. Jurez-moi que vous ne la verrez même pas, mon chéri, cette idiote. Je serai aveugle. Ou plutôt non. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Jurez-moi tout de suite, sincèrement, de vous-même, pas pour me faire plaisir, que vous ne trouverez plus jamais aucune femme jolie. Même celles qui ont le genre belle. Cela ne veut rien dire, vous savez. Je vous le jure. Même une qui me ressemblerait? Même celle-là. Je me méfierais, du coup. C'est de vous-même que vous jurez? C'est de moi-même. Bon. Et bien entendu, c'est sur ma tête. Sur votre tête. Vous n'ignorez pas que lorsqu'on jure sur la tête, cela veut dire que l'autre meurt si on ne tient pas son serment. Je ne l'ignore pas. Bon. Alors maintenant que vous savez vraiment à quoi vous m'exposez en mentant, même un tout petit peu, vous allez me jurer, s'il vous plaît, mon chéri, en étendant la main et en crachant par terre, que tout ce que vous m'avez juré était vrai. Je crache, j'étends la main, je jure. Bon. Je vous crois. D'ailleurs, je suis si facile à tromper, si peu méfiante. Vous souriez. Vous vous moquez de moi. Je vous regarde. Je m'aperçois que je n'avais pas encore eu le temps de vous regarder. Je suis laide. Quelquefois, quand j'ai trop pleuré ou trop ri, il me vient une petite tache rouge au coin du nez. J'aime mieux vous le dire tout de suite pour que vous n'ayez pas une mauvaise surprise après. Je me ferai une raison. Et puis, je suis maigre. Enfin, je ne suis pas si maigre que j'en ai l'air. Non, moi, je me trouve même assez bien faite quand je me baigne. Enfin... je ne suis pas ce genre de femme sur lesquelles on s'appuie confortablement. Je ne tenais pas à être très confortable. Je suis sotte aussi. Je ne sais rien dire et il ne faut pas trop compter sur moi pour la conversation. Et vous parlez tout le temps? Oui, je parle tout le temps, mais je ne sais pas répondre. C'est d'ailleurs pour cela que je parle tout le temps. Pour empêcher qu'on me questionne. C'est ma façon d'être muette. On fait comme on peut. Naturellement, vous détestez cela. C'est bien ma chance. Vous allez voir que rien ne va vous plaire. Vous vous trompez. J'aime bien quand vous parlez trop. Cela fait un petit bruit qui me repose. Pensez-vous. Je suis sûre que vous aimez les femmes mystérieuses. Ah oui, les genres Greta Garbo. Celles qui ont 2 mètres, des grands yeux, des grandes bouches, des grandes mains. Et qui se perdent toute la journée dans les bois en fumant. Je ne suis pas du tout comme cela. Il faut en faire votre deuil tout de suite. Il est fait. Oui, vous dites cela, mais... Je vois bien dans vos yeux. Oh, mon chéri. Mon chéri, c'est trop triste de n'être pas celle que vous aimez. Mais que voulez-vous que je fasse? Que je grandisse, j'essaierai, je ferai de la gymnastique. Que j'ai l'air hagard, j'écarquillerai les yeux, je me farderai davantage. Oui, j'essaierai d'être sombre, de fumer. Mais non! Si, si, j'essaierai d'être mystérieuse. Oh, il ne faut pas croire que c'est très compliqué d'être mystérieuse. Il suffit de ne penser à rien. C'est à la portée de toutes les femmes. Quelle folle! Je le serai, comptez-y. Et sage aussi. Et dépensière. Et économe, selon. Et docile, comme une petite odalisque qu'on retourne dans le lit. Oh, terriblement injuste, les jours où vous aurez envie d'être un peu malheureux à cause de moi. Oh, ces jours-là seulement, soyez tranquille. Et puis, cela sera compensé par les jours où je serai maternelle. Si maternelle que j'en serai un peu agaçante. Les jours de furoncle ou de mal de dents. Enfin, il me restera les bourgeoises, les mal élevées, les prudes, les ambitieuses, les excitées. Les molles, pour les jours creux. Et vous croyez que vous pourrez tout jouer? Il faudra bien, mon chéri, pour vous garder, puisque vous aurez envie de toutes les femmes. Mais quand serez-vous, vous? Vous m'inquiétez. Et entre-temps, quand j'aurai 5 minutes, je me débrouillerai. Cela va être une vie de chien. Mais c'est cela, l'amour. Je vais vous rendre très malheureuse. Oh oui. Moi, je serai toute petite. Pas exigeante du tout. Il faudra seulement la nuit me laisser dormir sur votre épaule et me tenir la main tout le jour. J'aimais dormir sur le dos, en travers du lit. J'aimais les longues promenades solitaires. Nous pourrons essayer de nous mettre en travers côte à côte. Et dans les promenades, je marcherai un peu derrière vous, si vous voulez. Pas trop. Presque à côté de vous, tout de même. Mais je vous aimerai si fort aussi. Et je vous serai toujours si fidèle. Si fidèle. Qui êtes-vous? Il me semble que je vous connais depuis longtemps. Pourquoi demander qui on est? Cela veut dire si peu de choses, qui on est. Qui êtes-vous? Il est trop tard, je le sais bien, et je ne peux pas vous quitter maintenant. Vous avez surgi tout d'un coup dans cette gare. Je me suis arrêté de jouer du violon, et maintenant je vous ai là, dans mes bras. Qui êtes-vous? Moi non plus, je ne sais pas qui vous êtes. Et pourtant, je n'ai pas envie de vous le demander. Je suis bien. C'est assez. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur d'avoir mal tout d'un coup. Comment, tu es encore là? Mathias t'attend dans la salle d'attente des troisièmes. Si tu ne veux pas qu'il y ait encore des histoires, ma petite, tu ferais tout de même mieux d'y aller. Qui est ce Mathias? Personne, mon chéri. Voilà 2 fois qu'on vient vous dire qu'il vous cherche. C'est un garçon de la troupe. C'est personne. Il me cherche, eh bien oui, il me cherche. Il a peut-être quelque chose à me dire. Qui est ce Mathias? Oh, je ne l'aime pas, mon chéri. Je ne l'ai jamais aimé. C'est votre amant. Oh, vous savez, on a vite fait de dire les choses, hein, de mettre tout sous le même mot. Mais j'aime mieux vous dire la vérité tout de suite et de moi-même. Il faut que tout soit limpide entre nous. Oui, c'est mon amant. Ne reculez pas. J'aurais tant voulu vous dire... Je suis une petite fille. Je vous ai attendue. C'est votre main qui va pour la première fois me toucher. J'aurais tant voulu vous le dire. C'est votre amant depuis longtemps? Je ne sais plus. 6 mois peut-être. Je ne l'ai jamais aimé. Pourquoi alors? Non, ne posez pas de questions. Quand on ne se connaît pas encore très bien, quand on ne sait pas tout l'un de l'autre, en plus des mots, les questions sont des armes terribles. Pourquoi? Je veux savoir. Pourquoi? Eh bien... Il était malheureux, j'étais lasse. J'étais seule. Lui m'aimait. Et avant? Avant, mon chéri. Avant lui? Avant lui. Vous n'avez pas eu d'autre amant? Non, jamais. Alors c'est lui qui vous a appris l'amour. Répondez. Pourquoi restez-vous sans rien dire? Vous m'avez dit que vous vouliez qu'il n'y ait que la vérité entre nous. Oui, mais mon chéri, je cherche ce qui vous fera le moins de mal. Que ce soit lui, que vous verrez peut-être, ou bien un autre, il y a longtemps, que vous n'aurez jamais connu. Mais il ne s'agit pas de savoir ce qui me fera le moins de mal. Il s'agit de savoir ce qui est vrai. Eh bien, quand j'étais encore très petite, un homme, un étranger, m'a prise presque de force. Ça a duré quelques semaines, et puis il est reparti. Vous... vous l'aimiez, celui-là ? J'avais mal. J'avais peur. J'avais honte. Et c'est tout. Oui, mon chéri. Vous voyez, c'était bien bête. Bien lamentable, mais tout simple. Je vais tâcher de ne jamais penser à eux. Oui, mon chéri. Je vais tâcher de ne jamais imaginer leur visage près du vôtre. Leurs yeux sur vous, leurs mains sur vous. Je vais tâcher de ne pas penser qu'ils vous ont déjà tenu. Là, maintenant, tout recommence. C'est moi qui vous tiens. On est bien dans vos bras. Comme dans une petite maison bien fermée au milieu du monde. Une petite maison où personne ne peut plus jamais entrer. Dans ce café. Dans ce café. Moi qui ai honte tout le temps quand les gens me regardent, je voudrais qu'il soit plein de monde. Ah, ça sera tout de même une belle noce. Nous aurons eu pour témoin le garçon le plus noble de France et... un petit monsieur modeste en imperméable qui fait semblant de ne pas nous voir. Mais je suis sûr qu'il nous voit. Maintenant, il faut que vous me laissiez. Il me reste quelque chose à faire. Non, ne me demandez rien. Sortez une minute. Je vous rappelle. Andre ? Tu m'as vu ? Je l'ai embrassé, je l'aime. Que veux-tu ? Qui est-ce ? Je ne sais pas. Mais tu es folle ! Oui, je suis folle. Depuis 8 jours, tu me fuis. Je te fuis, oui. Mais ce n'est pas à cause de lui, je le connais depuis 1 heure. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Tu le sais, Mathias. Eurydice, tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Oui, Mathias. Je l'aime. Tu sais que je préfère crever tout de suite que de continuer cette vie tout seul. Maintenant que je t'ai eu près de moi, je ne te demande rien, Eurydice. Rien que de ne pas être tout seul. Je l'aime, Mathias. Mais tu ne sais déjà donc plus dire autre chose? Je l'aime. Tu l'auras voulu. Écoute, Mathias, mais essaie de comprendre. Je t'aime bien. Seulement lui, je l'aime. Le train 310 pour Béziers, Montpellier, 7, Palavas-les-Flots, est annoncé en voie 2. Le train est annoncé, fiston, hein, voie 2. Allez, tu viens. T'as réglé ? Je crois que c'est toi qui m'avais invité. Je ne pars pas, papa. Ben pourquoi toujours attendre le dernier moment ? Le train va être là dans 2 minutes. Il faut prendre le passage souterrain. Allez, avec la harpe, nous n'avons que le temps. Je ne prends pas ce train. Mais comment tu prends pas ce train ? Tu prends pas... Pourquoi tu prends pas ce train ? S'il te plaît, si nous voulons être à ce soir à Palavas, c'est le seul possible. Alors prends-le, moi je ne pars pas. Ben voilà du nouveau, par exemple. Qu'est-ce qu'il prend ? Voilà, papa, je t'aime bien. Je sais que tu as besoin de moi, que cela va être terrible. Mais il fallait bien que cela arrive un jour. Je vais te quitter. Qu'est-ce que tu dis ? Tu m'as très bien compris. Bon. Ne te le fais pas répéter pour amorcer une scène de faux pathétique. Ne t'arrête pas de respirer pour pâlir. Ne commence pas à faire semblant de trembler et t'arracher les cheveux. Je connais tous tes trucs un par un. C'était bon quand j'étais petit, ils ne prennent plus. Je vais te quitter, papa. Ne ricane pas noblement, je t'en supplie. Écoute-moi. Ce train, il va falloir que tu le prennes tout seul. C'est ta seule chance d'arriver à temps pour avoir la place de harpiste qu'on t'a proposée à Palavas-les-Flots. Mais j'ai refusé cette place, je l'ai refusée à cause de toi. Mais tu diras que tu as réfléchi, que tu m'abandonnes, que tu acceptes. Mais Tortenil n'a peut-être pas trouvé un autre harpiste, c'est ton ami, il te donnera la préférence. Bah, tu sais, les amis, les enfants, hein, tout ce qu'on croit sacré, ça vous claque dans les mains. Bonjour, je suis payé pour le savoir, l'amitié de Tortenil. Tu crois qu'il ne te donnera pas la place? Mais je suis certain qu'il me la refusera. Pourtant, il te l'a proposé. Mais il me l'a proposé, mais j'ai décliné l'offre. Il a bu la honte jusqu'à la nuit. Et tu ne dois pas oublier que c'est un Italien. Ces gens-là ne pardonnent jamais. Prends tout de même le train, papa. Dès que tu seras parti, je vais téléphoner au casino de Palavas. Non. Je te jure que je le convaincrai d'oublier ton refus. Non, jamais. Ce n'est pas un mauvais bougre, je suis sûr qu'il m'écoutera. Jamais, tu entends? Jamais ton père ne s'abaissera. Mais c'est moi qui m'abaisserai, je dirais que c'est ma faute. Non. Orphée, ne poursuis pas cette scène pénible à laquelle je ne comprends rien. Allez, viens avec moi, tu m'expliqueras en route. Je ne peux pas partir, papa. Je te rejoindrai peut-être plus tard. Mais pourquoi me rejoindre? Sacrebleu, nous avons deux billets. Et je vais téléphoner tout de suite à Tortenu. Bon, écoute, fiston, non, téléphone pas à cet individu. Bon, j'aime mieux te le dire tout de suite. Hein. La place de harpiste. Oui. Il me l'a jamais proposée. Comment? Mais je disais ça pour me faire valoir à tes yeux. C'est moi qui avais eu vent de l'affaire. Alors je l'avais supplié de me prendre. Il a refusé. Ah bon? Je croyais que tu pouvais avoir cette place. C'est dommage, cela arrangerait bien des choses. Je suis vieux, Orphée. Mais prends tout de même ce train, je t'en supplie, papa. Pars tout de même pour Palavas-les-Flots. Il y a des cafés là-bas, c'est la saison. Je t'assure que tu gagneras ta vie. Bon, rien qu'avec la harpe, tu plaisantes. Mais ce qui frappait les gens, c'était surtout la harpe. On en voit si peu. Le violon, tous les mendiants jouent aux terrasses. La harpe, tu le disais toi-même souvent, c'est ce qui nous donnait l'air d'être des artistes. Oui, mais toi, tu jouais très bien du violon. Puis les femmes te trouvaient jeune, gentille. Alors elles poussaient le coude des hommes pour qu'ils mettent 20 sous dans l'assiette. Mais tu penses pour moi tout seul, elles le pousseront pas. Mais si, papa, les femmes plus mûres. Tu sais bien que tu es un vieux Don Juan. Oh, entre nous, un vieux Don Juan pour bonne de gargote. Et encore un pour bonne très laide. Oh, t'exagères, papa. Tu as encore beaucoup de succès. Oh, je te les raconte, mais ça ne se passe pas toujours exactement comme je le dis. Et puis... Je te l'avais jamais dit, fiston. C'est moi qui t'ai formé, alors j'avais ma fierté de père. Ben, je ne sais pas si tu t'en es déjà aperçu. Je joue très mal de la harpe. On ne peut pas ne pas s'en apercevoir, papa. Ah ben, tu vois. Ah, papa, je ne peux plus rien pour toi. Si j'étais riche, je te donnerais de l'argent, mais je n'en ai pas. Va prendre ce train, garde tout ce qu'on avait, et bonne chance, je peux pas te dire autre chose. Mais tout à l'heure encore, tu me disais que tu pouvais pas me quitter. Mais tout à l'heure, oui, maintenant je peux. Voilà ton train. Dépêche-toi, va reprendre ta harpe. T'as rencontré quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, papa. La petite qui est venue me demander qui jouait du violon tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, papa. Bon, alors écoute, j'ai bavardé avec ces gens-là, tu sais qui c'est? C'est une comédienne. Une troupe de rien du tout. Et qui joue dans des Bataclans. Ça, c'est une fille qui te grugera. Oui, papa, fais vite. Oh, dire que je t'avais trouvé une fille admirable, sculpturale, premier prix de conservatoire de Marseille, le profil grec, une pianiste. Oh, nous aurions fait des trios. Je me serais mis au violoncelle. Oh, j'aurais jamais cru ça de toi, Orphée. Moi non plus, papa, fais vite. Je te maudis. Ça te coûtera cher. Oui, papa. Mais rigole, j'ai un billet de loterie. Je peux gagner d'un jour à l'autre. T'auras rien. Hein. Mon papa, mon vieux papa, mon terrible papa, je t'aime bien, tu sais, quand même, mais je ne peux plus rien pour toi. Les voyageurs pour Béziers, Montpellier, Sète, Palavas-les-Flots, en voiture. Tu crois qu'ils vont me rembourser ton billet? Je ne sais pas. Je suis heureux, tu sais, papa, je l'aime. Je t'écrirai. Tu devrais être un peu content que je sois heureux. J'ai tant envie de vivre. Tu laisses ton père pour une fille qui ne t'aime peut-être même pas. Je suis heureux, papa. Et moi, je vais crever. Vite, papa. Voilà. Voilà. C'est fait. Moi aussi, c'est fait. Je vous demande pardon. Il est un peu ridicule. C'était mon père. Il ne faut pas me demander pardon. La dame qui parlait d'amour tout à l'heure avec des glouglous, c'était ma mère. Je n'avais pas osé vous le dire. Ah, je suis content que vous ayez honte, vous aussi. C'est un peu comme si nous étions des petits frères. Je vous vois traînant tout petit avec votre violon derrière lui. Il jouait du trombone dans ce temps-là. Il a essayé de jouer de tout, le pauvre, sans succès. Je disais, je suis le fils du trombone à la porte et j'entrais dans son cinéma. Ah, c'était beau, les mystères de New York. Et le masque aux dents blanches. Quand on n'en pouvait déjà plus d'angoisse au quatrième épisode. Oh, j'aurais voulu être près de vous sur les petits fauteuils raides. J'aurais voulu manger des mandarines avec vous. À l'entracte, vous demander si le cousin de Pearl White était vraiment un traître. Est-ce que pouvait bien penser le chinois? Oh, j'aurais voulu être petite avec vous. Comme c'est dommage. C'est passé maintenant. On n'y peut plus rien. Les mandarines sont épluchées, les cinémas repeints à neuf, et l'héroïne doit être une vieille dame. C'est pas juste. Les voyageurs pour Toulouse, Béziers, Carcassonne, voie 7. Vincent, mon chat, la grosse valise et le carton vert. Je les tiens avant. Méfie-toi, la pura ne tient pas. Oh, ça me rappelle un jour à Buenos Aires. Le carton à chapeau de Sarah qui s'ouvre en pleine gare, il y avait des plumes d'autruche jusque sur les rails. Vite, mon Dieu, vite! Et vérifie le chargement au fourgon, bougre d'âne! Monte en queue, nous sommes tous en tête! Tous les personnages de ma vie qui passent. Voilà. Nous sommes seuls au monde maintenant. Un jeune homme. Il ne pouvait rien. Tenez, je ne l'aimais pas. Il s'est jeté sous la locomotive. Le choc même a dû le tuer. Oh, quelle horreur! Non. Il a choisi un assez bon moyen. Le poison est une chose lente qui fait beaucoup souffrir. Et puis, on vomit, on se tord. C'est sale. C'est comme avec les barbituriques. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont dormir. Quelle plaisanterie. C'est une mort dans les hoquets et les mauvaises odeurs. Vous croyez qu'il n'a pas eu mal pour mourir? On n'a jamais mal pour mourir, mademoiselle. La mort ne fait jamais mal. La mort est douce. Ce qui fait souffrir avec certains poisons, certaines blessures maladroites, c'est la vie. C'est le reste de vie. Il faut se confier franchement à la mort, comme à une amie. Une amie à la main délicate et forte. Nous n'avons pas pu faire autrement. Nous nous aimons. Oui, je sais. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Un beau jeune homme et une belle jeune fille. Et prêt à jouer le jeu, sans tricher, jusqu'au bout. Sans ces petites concessions au confort ou à la facilité qui font les amants vieillissants et prospères. Deux petites bêtes courageuses, aux membres souples, aux dents longues, prêtes à se battre jusqu'au matin, comme il se doit, et à tomber, blessées ensemble. Mais monsieur, nous ne vous connaissons pas. Moi, je vous connais. Je suis très heureux de cette rencontre. Vous allez partir ensemble? Il n'y a plus qu'un train ce soir, le train de Marseille. Vous allez le prendre, peut-être? Sans doute, oui. Je vais moi-même là-bas. J'aurai peut-être le plaisir de vous rencontrer. Mon amour. Mon cher amour. Voilà l'histoire qui commence. J'ai eu un peu peur. Es-tu bon? Es-tu méchant? Comment t'appelles-tu? Orphée. Et toi? Eurydice. dire que tout aurait pu rater. Il suffisait que tu passes à droite, moi à gauche. Même pas, il suffisait du vol d'un oiseau, du cri d'un enfant pour que tu détournes la tête une seconde. Je serais en train de racler du violon aux terrasses de Perpignan avec papa. Moi, je jouerai ce soir les deux orphelines au théâtre municipal d'Avignon. C'est maman et moi, les deux orphelines. Cette nuit, je pensais à toutes les choses qu'il nous avait fallu. Je pensais à ce petit garçon et à cette petite fille inconnue qui s'était mis en marche un beau jour, des années à l'avance, vers cette gare de province. Dire qu'on aurait pu ne pas se reconnaître. Se tromper de jour ou de gare. Ou bien se rencontrer trop petit, avec des parents qui nous auraient pris par la main et entraînés de force. Mais heureusement, on ne s'est pas trompé d'un jour, d'une minute. On ne s'est pas mis en retard une seule fois pendant tout ce long chemin. Ouais, nous sommes très forts. Oui, mon chéri. Nous sommes terriblement plus forts que tout au monde, tous les deux. Tu avais pourtant bien peur hier, en entrant dans cette chambre. Hier, nous n'étions pas encore plus forts que tout. Hier, nous n'avions rien. Nous ne savions rien. Nous sommes entrés au hasard dans cette chambre, sous l'œil de ce terrible garçon à moustache qui se doutait que nous allions faire l'amour. Et nous nous sommes mis à nous déshabiller. Vite. Debout, l'un en face de l'autre. Tu jetais comme un fou furieux tes vêtements aux quatre coins de la pièce. Tu tremblais. Tu ne pouvais pas défaire les petits boutons de ta robe. Et je te regardais les arracher sans faire un geste. Et puis quand tu as été nue, tu as eu honte soudain. J'ai pensé que moi, j'avais à être belle par-dessus le marché. Et je n'étais plus sûre. Nous sommes restés un long moment debout, l'un en face de l'autre. Sans oser bouger. Sans oser rien dire. Puis après, tout est devenu si facile. Tu as posé la tête contre moi et tu t'es endormie. Et moi, je me suis senti devenir fort tout à coup. Fort de tout le poids de ta tête. Il me semblait que nous étions couchés, nus, sur une grève. Et que ma tendresse, c'était une mer montante qui recouvrait peu à peu nos deux corps étendus. Oh, mon chéri! Je pensais tout cela et tu me laissais dormir. Oh, tu me disais bien d'autres choses dans ton rêve auxquelles je ne pouvais pas répondre. J'ai parlé. Je parle toujours en dormant. Tu n'as pas écouté, j'espère. Si. Oh, tu vois comme tu es traître. Au lieu de dormir honnêtement comme moi, tu m'épies. Comment veux-tu que je sache ce que je dis quand je dors? Oh, je n'ai compris que trois mots. Tu as poussé un terrible soupir. Ta bouche s'est un peu tirée et tu as dit « c'est difficile ». C'est difficile. Qu'est-ce qui était donc si difficile? Je ne sais pas, mon chéri. Je rêvais. Monsieur a sonné? Non. Oh, je croyais que monsieur avait sonné. Pardon, monsieur. Tu crois qu'elles sont vraies? Quoi? Mais ces moustaches! Oh, sûrement, elles ont l'air d'être fausses. Il n'y a que les fausses barbes qui ont l'air vraies, c'est connu. Ah, il n'a pas l'air si noble que notre garçon du buffet de la gare hier soir. Ah, celui qui était de la Comédie Française. Oui. Il était noble, mais conventionnel. Et au fond, sous ses airs imposants, c'était un mou. Je t'assure que celui-là a plus de mystère. Oh oui, trop. Je n'aime pas les gens qui ont trop de mystère. Il me fait un peu peur. Pas toi? Un peu. Je n'osais pas te le dire. Oh mon chéri, serrons-nous fort. Heureusement que nous sommes deux. Nous en avons déjà des personnages dans notre histoire. Deux garçons de café, un noble mou, un moustachu bizarre. Et l'employé de gare. Le bègue? Oh oui, le charmant petit bègue. Qu'il était petit et gentil. On aurait voulu le prendre par la main et l'emmener avec sa grosse chaîne de montre et sa belle casquette manger les gâteaux chez le pâtissier. Et tu te souviens comme il nous a récité toutes les stations où on ne devait pas changer pour nous faire comprendre, sans erreur possible, celle à laquelle il fallait vraiment qu'on change? Oh, le cher petit bègue. Il nous a sûrement porté bonheur. Mais l'autre, l'affreux, la brute, Le contrôleur. Ah, l'idiot. Oui. Celui qui ne voulait pas comprendre qu'avec un billet de 3e classe pour Perpignan et un autre billet de 3e classe pour Avignon, nous voulions 2 suppléments de 2e classe pour Marseille. Oui, celui-là, qu'il était laid, celui-là, qu'il était bête avec sa crasse, sa suffisance, ses 2 sales grosses joues pleines de je ne sais quoi, bien rasées, bien rouges sur son col de celluloïde. Ah, c'est notre premier personnage ignoble, notre premier traître. Il y en aura d'autres, tu verras. C'est plein de traîtres, une histoire heureuse. Tu es sûr qu'on ne peut pas trier les mauvais personnages et garder seulement les bons? Oh, ça serait trop beau. On ne peut même pas essayer, tu crois, de les imaginer un peu moins laids, rien que pour cette première journée? Impossible, ils sont passés maintenant. Les bons comme les mauvais. Ils ont fait leur petite pirouette, dit leurs 3 mots dans ta vie. Ils sont comme cela, dans toi, pour toujours. Alors, une supposition. Si on a vu beaucoup de choses laides dans sa vie, elles restent toutes dans vous? Oui. Bien rangées les unes à côté des autres. Toutes les images sales, tous les gens, même ceux qu'on a haïs, même ceux qu'on a fui. Tous les tristes mots entendus, tu crois qu'on les garde au fond de soi? Et tous les gestes qu'on a faits, la main se les rappelle encore, tu crois? Oui. Tu es sûr que même les mots qu'on a dit sans le vouloir, qu'on n'a jamais pu rattraper, sont encore sur notre bouche quand on parle? Mais oui, ma folle. Attends, ne m'embrasse pas. Explique-moi plutôt. C'est sûr ce que tu viens de me dire? Ou si c'est seulement toi qui le penses? Il y en a d'autres que toi qui l'ont dit? Bien sûr. Des savants? Enfin, de ceux qui doivent savoir les choses? De ceux qu'on peut croire? Oui. Et on n'est jamais seul, alors, avec tout cela autour de soi. On n'est jamais sincère, même quand on le veut de toutes ses forces. Si tous les mots sont là, tous les sales éclats de rire, si toutes les mains qui vous ont touché sont encore collées à votre peau, alors on ne peut jamais devenir une autre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois qu'on serait la même, toi, si on savait toute petite qu'un jour, on aura absolument besoin d'être toute propre, toute nette? Quand on dit les choses, quand on dit j'ai fait ce geste, j'ai prononcé, j'ai écouté ce mot, j'ai laissé quelqu'un, quand on les dit à un autre ces choses, à celui qu'on aime par exemple, ils pensent que cela les tue autour de vous, tes savants? Oui, on appelle cela se confesser. Après il paraît qu'on est tout lavé, tout luisant. Ah. Et ils en sont bien sûrs? Ils le disent. Oui. Oui, mais si jamais ils se trompent, tu leur diras que je me méfie à tes savants. Que moi, je crois qu'il vaut mieux ne rien dire. Ou alors, mon chéri, quand c'est tout simple, comme pour nous hier soir, tout dire, bien sûr, comme moi. Monsieur a sonné. Non. Ah, je vous demande pardon. Je vais dire à monsieur, la sonnette ne fonctionne pas. Si monsieur voulait sonner, il faudrait mieux qu'il appelle. Entendu. Je vous demande pardon, j'avais oublié de dire à monsieur que madame le demandait en bas pour compléter sa fiche ou quelque chose manque. Madame doit la remettre ce soir. Elle veut que je descende tout de suite? Oui, monsieur, si monsieur le peut. C'est bien. Je vous suis. Habille-toi pendant ce temps-là. Nous descendrons dîner. On a une lettre pour vous. Je devais vous la remettre à vous seule. Madame n'est pas au bureau, j'ai menti. Il n'y a qu'un étage, vous avez une demi-minute pour la lire. Jamais dans la corbeille. Il y a longtemps que vous vous connaissez. Un jour. D'habitude, c'est encore le bon temps. D'habitude, oui. Oh, j'en ai vu passer dans cette chambre, couché sur ce lit comme vous tout à l'heure. Et pas rien que des peaux, des trop gras, des trop maigres, des monstres. tous usant de leur salive à dire notre amour. Quelquefois, quand le soir vient comme maintenant, il me semble que je les vois tous ensemble. Ça grouille, hein? N'est pas beau, l'amour. Non. Vous êtes encore là? Non, monsieur, je sors. La gérante n'était pas en bas. J'ai dû trop m'attarder en montant, prévenir monsieur. Elle n'aura pas eu la patience d'attendre. Mais ça ne fait rien. Monsieur, ce sera pour ce soir. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Rien. Il me disait tous les couples qu'il avait vus défiler dans cette chambre. Oh, c'est gay. Il dit que quelquefois, il lui semble les voir tous ensemble. Toute la chambre grouille. Peut-être que la chambre aussi se rappelle. Tous ceux qui sont passés ici sont autour de nous, enlacés. Ah, des trop gras, des trop maigres, des monstres. Oh, ma folle. Le lit en est plein. Ah, c'est laid, les gestes. Descendons dîner. La rue est rose des premières lumières. Nous allons manger dans un petit bistrot qui sent l'ail. Et tu boiras d'ailleurs dans un verre où 1000 bouches ont déjà bu. Et les 1000 gros derrières qui ont creusé la banquette de Moleskine te feront une petite place où tu seras tout de même bien. Allons, viens. Viens, quittons cette chambre. Pour moi, il ne fait plus bon. Ça ne sent plus bon. Comme cela était court. Qu'est-ce que tu as? Tu trembles. Oui, je tremble. Tu es toute pâle. Oui. Quels yeux as-tu? Je ne t'ai jamais vu ces yeux-là. Ne me regarde pas. Quand tu me regardes, ton regard me touche. On dirait que tu as posé tes deux mains sur mes hanches et que tu es entré tout brûlant dans moi. Ne me regarde pas. Je te regarde depuis hier. Tu es fort, tu sais. Tu as l'air d'un petit garçon et tu es plus fort que tout le monde. Quand tu joues sur ton violon comme hier dans cette gare, ou bien quand tu parles, je deviens comme un petit serpent. Je n'ai plus qu'à ramper doucement vers toi. Êtes-vous bien, petit serpent? Quelquefois, tu te tais. Et je crois que je suis libre comme avant. Je tire sur mon fil de toutes mes forces pendant une minute. Mais tu recommences à parler. Le fil s'enroule sur la bobine et je m'en reviens vers mon piège. Trop heureuse. Tu es un petit serpent qui se demande trop de choses. Les petits serpents doivent se chauffer au soleil, boire le lait qu'on leur donne et ronronner bien tranquilles. Ce sont les petits chats qui ronronnent. Ça ne fait rien. Ronronne. Je te tiens. Tu es un traître. Tu me grattes doucement la tête. Je m'endors contre ton bon soleil. Et puis tu dis, c'est difficile. Mon chéri. Oui. J'ai peur que ce ne soit trop difficile. Mais quoi? Oh, le premier jour, tout semble si facile. Le premier jour, on n'a qu'à inventer. Tu es sûr que nous n'avons pas tout inventé? Je suis sûr que je t'aime et que tu m'aimes. Sûr comme des pierres, comme des choses de bois et de fer. Oui, mais tu m'as peut-être cru une autre. Puis quand tu vas me voir en face comme je suis... Depuis hier, je te regarde en face. Je t'écoute parler en dormant. Oh oui, mais je ne t'ai pas dit grand-chose. Et si ce soir je me rendors et je dis tout? Tout? Quoi tout? Les vieux mots collés, les vieilles histoires. Ou si quelqu'un, un des personnages, venait te dire... Qu'est-ce que tu veux qu'on vienne me dire sur toi? Je te connais mieux qu'eux maintenant. Tu crois? Mon petit soldat. Tout un jour que je t'ai sous mes ordres, je te connais bien. Car j'ai été un peu odieux, n'est-ce pas, depuis hier, à toujours jouer le capitaine. Vite, voilà le train. Monte au dernier wagon, garde les places, je vais chercher le marchand d'oreiller. Réveille-toi, c'est Marseille, on descend, du courage. L'hôtel est un peu loin de la gare, mais nous n'avons pas d'argent pour un taxi. Et le petit soldat ahuri, les yeux encore tout plissés de sommeil, empoigne ses valises avec un bon sourire. Et une, deux, suit bravement son capitaine dans la nuit. Je ne t'ai pas dit merci. Il ne faut pas. Et je ne t'ai pas dit merci non plus pour ton courage. Mon courage? Pour les jours qui ne vont pas tarder, où tu laisseras passer l'heure du dîner en fumant avec moi la dernière cigarette, une bouffée chacun. Pour les robes que tu feras semblant de ne pas voir dans les vitrines, pour les commerçants ricaneurs, les patrons d'hôtels hostiles, les concierges. Je ne t'ai pas dit merci pour les lits faits, les chambres balayées, les vaisselles, les mains rougies, et le gant qui se trouve, et l'odeur de la cuisine dans les cheveux. Tout ce que tu m'as donné en acceptant de me suivre, pour moi seul, une femme plus secrète, plus tendre que celle que les hommes sont obligés de traîner tout le jour derrière eux, parée d'étoffe. Ma farouche, ma sauvage, ma petite étrangère. Tu penses vraiment tout cela de moi ? Oui, mon amour. C'est vrai. C'est une bien charmante Eurydice. C'est toi ? Oui. Et tu as raison, c'est bien une femme pour toi. Mademoiselle Eurydice, ta femme. Je vous salue. Maintenant, consentez-vous enfin à venir dîner. Le charmeur de serpent ne peut plus souffler dans sa flûte. Il crève de faim. Oh, mon chéri, je ne voudrais pas aller dans un restaurant voir des gens. Si tu veux, je vais descendre, j'achèterai des choses et nous les mangerons ici. Oh, ça va être très amusant. Je vais descendre avec ah, toi. Non. Laisse-moi descendre seule. Ça me ferait plaisir de faire ton marché une fois, comme une personne, comme il faut. Bon, alors achète beaucoup de choses. Oui. Il faut faire un repas de fête. Oui, mon chéri. Exactement comme si nous avions de l'argent. C'est un miracle que ne comprendront jamais les gens riches. Achète un ananas. Un vrai, hein. Un ananas du bon Dieu, pas un triste ananas américain en boîte. Nous n'avons pas de couteau. Nous n'arriverons pas à le manger. Oh, il est juste aussi que l'ananas défende. Oui, mon chéri. Achète aussi des fleurs pour dîner. Beaucoup de fleurs. Ça ne se mange pas. Oh, c'est vrai. Nous les mettrons sur la table. Nous n'avons pas de table. Achète tout de même beaucoup de fleurs. Et puis achète des fruits, des pêches, grosses pêches de vigne, des abricots, des reines Claude. Un peu de pain pour montrer le côté sérieux de notre caractère et une bouteille de vin blanc qu'on boira dans le verre à dents. Dépêche-toi, je meurs de faim. As-tu mis ton chapeau ? Oui. Adieu, mon chéri. Mais tu dis adieu comme à Marseille. Oui. Eurydice ! Elle vient de descendre. Vous ne me remettez pas ? Nous avons fait connaissance hier dans ce buffet de gare au moment de cet accident. Vous savez, le jeune homme qui s'est jeté sous le train. Je me suis permis d'entrer vous dire bonjour. Vous m'aviez été si sympathique. Nous sommes voisins, j'ai la chambre 11. À qui ai-je l'honneur ? Des connaissances de voyage, c'est un charme d'ignorer au juste qui on est. Mon nom ne vous dirait rien. Appelez-moi Monsieur Henri. Je vous ai adressé un peu librement la parole hier, mais vous étiez si touchants tous les deux, serrés l'un contre l'autre au milieu de cette grande salle déserte. Un beau décor, n'est-ce pas ? Rouge et sombre, avec cette nuit tombante et ces bruits de gare au fond. Le petit Orphée et Mademoiselle Eurydice. Ce n'est pas tous les jours qu'on a pareil aubaine. Vous êtes musicien ? Oui. Oh, j'aime la musique. J'aime tout ce qui est doux, heureux. En vérité, j'aime le bonheur. Mais parlons de vous, cela n'est pas intéressant de parler de moi. Et d'abord, buvez quelque chose, cela facilite tellement la conversation. J'ai beaucoup de plaisir à bavarder un moment avec vous. Que buvez-vous ? Un alcool, du cognac ? Si vous voulez. Un cognac, s'il vous plaît. Un seul verre ? Oui. Excusez-moi, je ne bois pas. Ah, je me réjouis beaucoup de cette rencontre. Je vous remercie. Vous devez vous demander pourquoi je m'intéresse tellement à vous. J'étais dans le fond de la salle hier lorsqu'elle est venue à vous, comme appelée par votre musique. Ces courts instants où l'on surprend le destin en train de poser ses pions sont bien troublants, n'est-ce pas ? Voilà, monsieur, un cognac. Merci. Avez-vous remarqué avec quelle lenteur insolite ce garçon vient de quitter la pièce ? Non. Il s'est certainement remis à son poste derrière la porte. Je suis sûr qu'il est déjà entré plusieurs fois dans votre chambre sous des prétextes. Je suis sûr qu'il a déjà essayé de vous parler. Il a essayé, oui. Vous voyez que je ne suis pas le seul à m'intéresser à vous aujourd'hui. Je parie que les commerçants, les employés de gare, les petites filles dans la rue vous sourient aussi depuis hier d'une façon insolite. On est toujours gentil avec les amoureux. Ah, ce n'est pas seulement de la gentillesse. Vous ne trouvez pas qu'ils vous regardent un peu trop fixement ? Non. Pourquoi ? Pour rien. Monsieur, il y a là une jeune fille qui demande Mademoiselle Eurydice. Je lui ai dit qu'elle était sortie, mais elle n'a pas l'air de me croire. Elle insiste pour vous voir. Vous, je la fais monter. Je suis montée. Où est Eurydice? Elle est sortie, mademoiselle. Qui êtes-vous? Une de ses amies de la troupe. Il faut que je lui parle tout de suite. Je vous dis qu'elle est sortie. Et puis je crois qu'elle n'a rien à vous dire. Vous vous trompez. Elle a beaucoup de choses à me dire, au contraire. Il y a combien de temps qu'elle est sortie? Est-ce qu'elle a pris sa valise en sortant? Sa valise? Pourquoi voulez-vous qu'elle ait pris sa valise? Elle est descendue acheter notre dîner. Elle est peut-être descendue acheter votre dîner, mais elle avait de bonnes raisons pour emporter tout de même sa valise. Parce qu'elle devait nous rejoindre à la gare. Pour prendre avec nous le train de 8h12. Rejoindre qui? Il est 8h10min40s. Elle doit déjà être sur le quai avec elle. Merci. Sur le quai avec qui? Lâchez-moi, vous me faites mal. Je vais rater mon train. Il est 11 juste. Il est 13. Vous retardez, le train est parti. Lâchez cette petite. Moi, je peux vous répondre. Sur le quai, avec moi. Qui êtes-vous? Alfredo Dulac, l'impresario d'Eurydice. Où est-elle? Que lui voulez-vous? Et vous? Eurydice est ma maîtresse. Depuis quand? Depuis hier. Figurez-vous qu'elle est aussi la mienne. Depuis un an. Vous mentez. Parce que... elle a oublié de vous le dire. Eurydice m'a tout dit avant de me suivre. Elle était la maîtresse depuis 3 mois du garçon qui s'est jeté hier sous le train. Croyez-vous qu'il faut être bête? C'est un gaillard qui me jouait les brutes. Tout le monde en avait peur dans la troupe. La petite lui dit qu'elle le quitte. Il se flanque sous l'omnibus de Perpignan. Ce que je comprends pas d'ailleurs, c'est qu'elle l'ait prévenu, lui. Elle a filé sans un cri, comme une oiselle. Il était probablement le seul à qui elle avait à rendre des comptes. Non, non. Il y avait moi. D'abord comme impresario. Voilà 2 soirs que je la remplace. Et au pied levé. C'est jamais drôle, hein. Ensuite, parce qu'avant-hier, ne vous déplaise, c'est avec moi qu'elle a passé la nuit. Je ne sais pas ce que vous êtes le plus. Odieux ou ridicule? C'est vrai. Je crois bien d'ailleurs que malgré vos airs, vous êtes surtout ridicule. Parce que la petite était dans ce lit hier soir au lieu d'être dans le mien. Vous êtes un enfant, mon vieux. Une fille comme Eurydice, il faut lui passer ses petits caprices. Elle a été aussi à l'imbécile qui s'est tué hier. Vous, au moins, je comprends. Vous avez de jolis yeux, vous êtes jeune. J'aime Eurydice, et elle m'aime. Regardez-moi, mon vieux. Eurydice a été à moi, pendant un an. Vous mentez, Eurydice ne peut pas avoir été à vous. Vous êtes son amant, moi aussi. Voulez-vous que je vous la décrive? Non. Oh, comment est-elle, la vôtre? On la sort du lit le matin, on l'arrache à ses romans policiers, à ses cigarettes. D'abord, l'avez-vous vue un seul instant, sans un mégot au coin du bec, comme un petit voyou? Et ses bas? Elle les a retrouvés, ses bas, en se levant? Soyez donc franc. Avouez en tout cas que sa chemise était accrochée en haut de l'armoire, ses souliers dans la baignoire, et son chapeau sous le fauteuil, et son sac introuvable. Je lui en ai déjà acheté 7. Mais ce n'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Vous avez vu 1h10 ordonnée, vous? Ah, je crois pas au miracle. J'espère en tout cas qu'elle vous a déjà fait commencer les stations devant les vitrines. Combien de robes vous a-t-elle demandé de lui acheter depuis hier? Combien de chapeaux, hein, entre nous? Eurydice m'a suivi avec une seule robe, une seule petite valise. Je commence à croire que nous parlons pas de la même. Ou alors, c'est qu'elle pensait que ce n'était pas pour longtemps. Elle vous disait que c'était pour la vie. Je suis sûr qu'elle était sincère. Elle pensait que ce sera pour la vie, s'il était sa fort, pour me garder, si le papa du lac ne retrouve pas ma trace et s'il ne vient pas me reprendre. Et tout au fond d'elle, elle était bien certaine que le papa du lac la retrouverait. Ça aussi, c'est tout à fait d'elle. Non? Mais si, mon vieux, mais si. Eurydice est un être rare, c'est entendu. Mais elle a tout de même la mentalité de toutes ces petites bonnes femmes-là. Mais ce n'est pas vrai. Mais rien n'est vrai avec vous, vous êtes drôle. Il y a combien de temps qu'elle est descendue? 20 minutes. Bon, ça, c'est vrai? Oui. Elle a tenu à descendre seule, n'est-ce pas? Oui, cela l'amusait d'acheter seule notre dîner. Ça aussi, c'est vrai? Oui. Eh ben, écoutez-moi. Je venais de lui faire remettre une lettre 5 minutes avant, lui demandant de me rejoindre sur le quai. Personne n'a pu lui remettre une lettre. Je ne l'ai pas quitté un instant depuis hier. Vous en êtes sûr? Excusez-moi, je crois qu'on m'appelle. Mais je l'ai laissé une minute, c'est vrai. Cet homme était venu me dire qu'il me demandait au bureau. C'est lui que j'avais chargé de remettre un mot à Eurydice, seul. Et il lui l'a remis pendant que vous étiez en bas. Qu'est-ce que vous lui disiez sur ce mot? Que je l'attendais au train de 8h12. J'avais pas besoin d'en dire davantage, puisque le destin venait frapper à sa porte, lui dire « Eurydice, c'est fini ». J'étais sûr qu'elle obéirait. Ce sont les hommes, mon vieux, qui sautent par la fenêtre. Vous voyez pourtant qu'elle n'est pas venue vous rejoindre. Oui, c'est vrai, elle n'est pas venue. Mais mon Eurydice à moi est toujours en retard. Je ne m'inquiète pas trop. Et vous dites qu'elle est descendue depuis 20 minutes. J'ai l'impression que c'est beaucoup. Pour acheter du pain et des fruits, la rue est pleine de marchandes. Est-ce que votre Eurydice ne serait pas en retard, elle aussi? Elle doit être à la gare en train de nous chercher. Va la chercher, toi. J'y vais aussi. Vous commencez à croire qu'elle a pu vouloir nous rejoindre. Et moi, je reste ici. Mademoiselle, si vous la voyez, dites-lui... C'est inutile. Si elle la trouve à la gare, c'est que c'est moi qui avais raison. C'est que votre petite Eurydice, fidèle et ordonnée, était un rêve. Et dans ce cas, vous n'avez plus rien à lui dire. Dites-lui que je l'aime. Oui, vous lui tirerez peut-être une larme. Elle est sensible, c'est tout. Dites-lui qu'elle n'est pas comme les autres croient. Qu'elle est comme moi, je sais qu'elle est. Et c'est trop compliqué à expliquer dans une gare. Allez, fais vite, toi. Et tenez, je suis beau joueur. Ramène-la. Dans une minute, elle va pouvoir nous le dire, elle, ce qu'elle est. Monsieur. Qu'est-ce que c'est? C'est un agent avec la camionnette de la police. Qu'est-ce qu'il veut? Il vient demander s'il y avait quelqu'un ici qui était parent de la jeune fille parce que... elle a eu un accident, monsieur, dans le quart de Toulon. Elle est blessée? Elle est en bas? Mais qu'est-ce qu'elle allait faire dans le quart de Toulon? Nous ne saurons jamais ce qu'elle allait y faire. Elle n'est pas blessée, mais... elle est morte. En sortant de Marseille, le car a accroché un camion-citerne et les autres voyageurs ont seulement reçu des éclats de vitre. Il n'y a qu'elle. Je l'ai vue. Ils l'ont étendue dans le fond de la camionnette. Elle n'a qu'une toute petite blessure à la tempe. On dirait qu'elle dort. Vous direz qu'on prépare ma note. Je pars ce soir. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Est-ce que j'ai bu? Tout tourne autour de moi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? C'est encore hier. Mais vous m'avez promis. Oui, je t'ai promis. Où sommes-nous? Devine. Je veux savoir où nous sommes. Tu m'as dit que tu n'aurais pas peur. Je n'ai pas peur. Je veux seulement savoir si nous sommes enfin arrivés. Oui, nous sommes arrivés. Où? Un peu de patience. Tu reconnais maintenant? C'est le buffet de la gare? Oui. Mais vous m'avez menti, n'est-ce pas? Non, je ne mens jamais. Ne crie pas. Assieds-toi. Pourquoi êtes-vous entré dans ma chambre tout à l'heure? J'étais couché sur ce lit défait. J'avais mal. J'étais presque bien, vautré dans mon mal. Je n'avais plus le courage de t'écouter souffrir. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien vous faire que je souffre? Je ne sais pas, c'est la première fois. Quelque chose d'étranger qui s'est mis à faiblir en moi. Et si tu pleurais, si tu souffrais encore, cela allait saigner comme une plaie. J'étais en train de quitter l'hôtel. J'ai reposé mes valises et je suis entré pour te calmer. Et comme rien ne te calmait, alors je t'ai fait cette promesse pour que tu te taises. Je me suis tue maintenant. J'ai mal sans bruit. Si vous avez les nerfs sensibles, cela doit vous suffire. Tu ne me crois toujours pas? Je voudrais vous croire de toutes mes forces, mais je ne vous crois pas, non! Dure tête, petit homme. Tu pleures, tu gémis, tu souffres, mais tu ne veux pas croire. Je t'aime bien. Il a fallu que je t'aime bien hier pour ne pas fuir aussitôt comme d'habitude, pour entrer dans cette chambre où tu sanglotais. Je hais la douleur. Bientôt, tu ne pleureras plus. Tu n'auras plus à te demander s'il faut croire ou s'il ne faut pas croire. Elle va venir? Elle est déjà ici. Dans cette gare? Mais elle est morte! J'ai vu les hommes l'emporter! Ah, tu veux comprendre, hein, petit homme? Cela ne te suffit pas que le destin fasse une exception pour toi. Tu as mis ta main sans trembler dans la mienne. Tu m'as suivi sans même me demander qui j'étais, sans ralentir le pas jusqu'au bout de la nuit, mais tu veux comprendre tout de même. Non. Je veux la revoir, c'est tout. Je t'amène aux portes de la mort et tu ne penses qu'à ta bonne amie, petit homme? Tu as bien raison. La mort ne mérite que ton mépris. Elle abat ses énormes filets, fauche au hasard, grotesque, épouvantable, géante. Une imbécile capable de se faucher un membre avec le reste. Elle n'a qu'une chose pour elle que personne ne sait. Elle a peur des larmes, des douleurs. Chaque fois qu'elle le peut, chaque fois que la vie le lui permet, elle fait vite. Elle dénoue, détend, délace, tandis que la vie s'obstine, se cramponne comme une pauvre, même si elle a perdu la partie, même si l'homme ne peut plus bouger, s'il est défiguré, même s'il doit souffrir toujours. La mort seule est une amie. Du bout du doigt, elle rend au monstre son visage. Elle apaise le damné, elle délivre. Moi, j'aurais préféré Eurydice défigurée, souffrante. Vieille. Bien sûr, ben vous êtes tous pareils. Elle m'a volé Eurydice, oui, l'ami. Du doigt, elle a fané Eurydice jeune, Eurydice légère, Eurydice souriante. Mais elle va te la rendre. Quand? Tout de suite. Mais écoute-moi bien. Ton bonheur était de toute façon fini. Ces 24 heures, ce pauvre jour, c'est tout ce qu'elle réservait au petit Orphée et à la petite Eurydice, la vie, ta chère vie. Aujourd'hui, tu ne pleurerais peut-être pas Eurydice morte, mais tu serais en train de pleurer Eurydice échappée. Ce n'est pas vrai. Elle n'était pas allée au rendez-vous de cet homme. Non, mais elle n'était pas revenue dans ta chambre non plus. Elle avait pris le car de Toulon, toute seule, sans argent, sans valise. Où fuyait-elle? Et qui était-elle au juste, cette petite Eurydice que tu as cru pouvoir aimer? Qui qu'elle soit, je l'aime encore. Je veux la revoir. Je vous en supplie, monsieur, rendez-la moi, même imparfaite. Je veux avoir mal. Et honte à cause d'elle, je veux la reperdre et la retrouver. Je veux la haïr et la bercer après comme un petit enfant. Je veux lutter. Je veux souffrir, je veux accepter. Je veux vivre. Mais tu vas vivre. Avec les taches, les ratures, les désespoirs et les recommencements avec la honte. Petit homme, adieu, on te la rend. Elle est là, sur le quai, à la même place où tu l'as vue hier pour la première fois, à t'attendre, éternellement. Tu te souviens de la condition? Oui. Répète. Si tu oublies cette condition, je ne pourrai plus rien pour toi. Je ne dois pas la regarder en face. Cela ne sera pas facile. Si je la regarde en face, une seule fois avant le matin, je la repère. Tu ne demandes plus pourquoi, ni comment? Non. C'est bien. Tu peux tout reprendre au commencement. Ne me remercie pas. À bientôt. Tu es là? Oui, mon chéri. Je sais. On m'a permis de venir te reprendre. Seulement, je ne dois pas te regarder avant le jour. Oui, mon chéri, je sais. Ils me l'ont dit. Viens. Nous allons attendre l'aube ici. Quand les garçons arriveront pour le premier train au lever du jour, nous serons libres. Nous leur demanderons du café bien chaud, de quoi manger. Tu seras vivante. Tu n'as pas eu trop froid? Si. C'est surtout cela. Un froid terrible. Mais on m'a défendu de parler de rien. Je peux seulement raconter jusqu'au moment où le chauffeur a fait ce sourire dans le rétroviseur et où le camion-citerne s'est jeté sur nous comme une bête folle. Le chauffeur s'était retourné pour sourire dans la glace. Oui. Tu sais, ces garçons du midi, ils croient que toutes les femmes les regardent. Je n'avais pourtant pas envie d'être regardée. C'était à toi qu'ils souriaient? Oui. Je t'expliquerai plus tard, mon chéri. Il a donné un coup de volant et tout le monde a crié à la fois. J'ai vu le camion-citerne bondir et le sourire du garçon devenir une grimace. Après, je n'ai plus le droit. Tu es bien? Oh oui. Contre toi. Tu te rappelles le garçon de la comédie française? On va le revoir demain matin. C'est commode de revivre. C'est comme si on venait seulement de se rencontrer. Es-tu bon? Es-tu méchant? Comment t'appelles-tu? Orphée. Et toi? Eurydice. Seulement cette fois, nous sommes prévenus. Je te demande pardon. Tu as dû avoir si peur. Oui. Au début, c'est une présence sourde qui vous accompagne, qui vous fixe par derrière, qui vous écoute parler. Et puis tout d'un coup, cela vous saute dessus comme une bête. Et on regarde les autres qui sont calmes, les autres qui n'ont pas de bête sur leur dos, qui n'ont pas peur et qui disent « Non, c'est normal, elle a peut-être raté le tramway. Elle a peut-être bavardé en route. » Mais la bête hurle maintenant en vous labourant l'omoplate. Est-ce qu'on rate le tramway dans la vie? Non? On glisse dessous en descendant en marche, on le heurte en voulant traverser. Et est-ce qu'on bavarde en route dans la vie? Non? On devient subitement folle, on est enlevé, on s'enfuit. Heureusement, le garçon est entré me délivrer avec un malheur précis sur le visage. Quand je t'ai vu en bas, couché dans cette camionnette, cela s'est arrêté. Je n'ai plus eu peur. Il m'avait mise dans une camionnette? La camionnette de la police. Et il t'avait étendu sur la banquette du fond, un agent à côté de toi, comme une petite veuleuse qu'on arrête. J'étais laide. Tu avais seulement un peu de sang sur la tempe. Tu avais l'air de dormir. Oh, dormir? Si tu savais comme je courais. Je courais droit devant moi, comme une folle. Tu as dû avoir mal. Oui. Je te demande pardon. Il ne faut pas. Si l'on m'a rapporté à l'hôtel, c'est parce que je tenais encore une lettre dans la main. Je te l'avais écrite dans le car, en attendant qu'on parte. On te l'a donnée? Non. Ils ont dû la garder au commissariat. Ah? Tu crois qu'ils vont la lire? C'est possible. On ne peut pas, tu crois, les empêcher de la lire? On ne peut pas faire quelque chose tout de suite? Envoyer quelqu'un là-bas, leur téléphoner, leur dire qu'ils n'ont pas le droit? C'est trop tard. Mais c'est à toi que je l'avais écrite, cette lettre. C'était pour toi ce que je disais. Comment veux-tu qu'il soit possible qu'un autre la lise? Qu'un autre murmure ces mots? Il me semble que je suis toute nue devant un autre. Ils n'ont peut-être pas décacheté l'enveloppe. Mais je ne l'avais pas encore cachetée. J'étais en train de le faire lorsque le camion nous a heurtés. C'est sans doute pour cela que le chauffeur m'a regardée dans la glace. Je tirais la langue. Cela l'a fait sourire. J'ai souri aussi. Tu pouvais donc sourire, toi? Mais non, je ne pouvais pas sourire. Tu ne comprends rien. Je venais de t'écrire cette lettre où je te disais que je t'aimais, que j'avais mal et qu'il fallait que je parte. J'ai tiré la langue pour lécher la colle de l'enveloppe. Il a dit une plaisanterie comme ces garçons-là en disent. Tout le monde souriait autour de moi. Oh, ce n'est pas pareil quand on raconte. C'est difficile. Tu vois, tout est trop difficile. Qu'est-ce que tu allais faire dans le quart de Toulon? Je me sauvais. Tu avais reçu la lettre de Dulac? Oui. C'est pour cela que je partais. Pourquoi ne me l'as-tu pas montré, cette lettre, quand je surmontais? Je ne le pouvais pas. Qu'est-ce qu'il te disait sur cette lettre? De le rejoindre au train de 8h12. Sinon, il viendrait me chercher lui-même. Et c'est pour cela que tu as fui? Oui. Je ne voulais pas que tu le voies. Mais tu n'as pas pensé qu'il viendrait et que je le verrais tout de même? Si, mais j'étais lâche. Je ne voulais pas être là. Tu as été sa maîtresse? Non. Il te l'a dit? Je savais qu'il allait te le dire et que tu le croirais. Il me poursuit depuis longtemps. Il me déteste. Je savais qu'il allait te parler de moi. J'ai eu peur. Pourquoi ne me l'as-tu pas avoué hier quand je t'ai demandé de tout me dire, que tu avais été aussi la maîtresse de celui-là? Je ne l'ai pas été. Oridis, maintenant il vaut mieux tout dire. De toute façon, nous sommes deux pauvres êtres blessés sur cette banquette, deux pauvres êtres qui se parlent sans se voir. Qu'est-ce qu'il faut donc que je te dise pour que tu me croies? Je ne sais pas. C'est cela, tu vois, qui est épouvantable. Je ne sais plus comment je pourrais jamais te croire. Eurydice, pour que je puisse être sans inquiétude après, quand tu me diras les choses les plus simples, si tu es sortie, s'il a fait beau, si tu as chanté, dis-moi la vérité maintenant, même si elle est terrible, même si elle doit me faire mal. Si c'est trop difficile à dire, ne réponds pas plutôt, mais ne me mens pas. Est-ce que cet homme a dit vrai? Non, il a menti. Tu n'as jamais été à lui? Non. Si en ce moment tu dis vrai, cela doit être bien facile de le savoir. Ton œil est clair, comme une flaque d'eau, le soir. Si tu mens, ou si tu n'es pas sûr de toi, il y a un cercle d'un vert plus sombre qui va se rétrécissant autour de ta pupille. Le jour va se lever bientôt, mon chéri. Et tu pourras me regarder. Oui. Jusqu'au fond de tes yeux. D'un coup, comme dans de l'eau, la tête la première au fond de tes yeux. Et que j'y reste, que je m'y noie. Oui, mon chéri. Parce qu'à la fin, c'est intolérable d'être deux. Deux peaux, deux enveloppes, chacun pour soi, avec son oxygène, avec son propre sang, quoi qu'on fasse. Bien enfermé, bien seul dans son sac de peau. On se serre l'un contre l'autre. On se frotte pour sortir un peu de cette effroyable solitude. Un petit plaisir, une petite illusion. Mais on se retrouve bien vite, tout seul. Avec son foie, sa rate, ses tripes, ses seuls amis. Tais-toi. Alors on parle. On a trouvé cela aussi. Ce bruit de l'air dans la gorge et contre les dents. Deux prisonniers qui tapent contre le mur du fond de leur cellule. Deux prisonniers qui ne se verront jamais. On est seul. Tu ne trouves pas qu'on est trop seul? Chut. Tiens-toi fort contre moi. Une chaleur, oui. Une autre chaleur que la sienne. Et cela, c'est quelque chose d'à peu près sûr. Une résistance aussi, un obstacle. Un obstacle tiède. Allons, il y a quelqu'un. Je ne suis pas tout à fait seul. Il ne faut pas être exigeant. Demain, tu pourras te retourner. Tu m'embrasseras. Oui. J'entrerai un moment dans toi. Je croirais pendant une minute que nous sommes deux tiges enlacées sur la même racine. Et puis nous nous séparerons et nous redeviendrons deux. Deux mystères, deux mensonges, deux. Voilà. Il faudrait qu'un jour tu me respires avec ton air, que tu m'avales. Oh, ce sera merveilleux, je serai tout petit dans toi, j'aurai chaud, je serai bien. Ne parle plus. Ne pense plus. Laisse ta main se promener sur moi. Laisse-la être heureuse toute seule. Tout redeviendrait si simple si tu laissais ta main seule m'aimer, sans plus rien dire. Ta main ne me demande rien que d'être là, docile sous elle. Ne me demande rien, toi non plus. Nous nous aimons, nous sommes jeunes. Nous allons vivre. Accepte d'être heureux, s'il te plaît. Je ne peux pas. Accepte si tu m'aimes. Je ne peux pas. Mais tais-toi alors, au moins. Je ne peux pas non plus. Tous les mots ne sont pas encore dits. Et il faut que nous disions tous les mots, un par un. Il faut que nous allions jusqu'au bout, de mot en mot. Mon chéri, tais-toi, je t'en supplie. Tu n'entends pas? Mais c'est un essaim depuis hier autour de nous. Les mots de Dulac, mes mots, tes mots, les mots de l'autre, tous les mots qui nous ont menés là. Et ceux de tous les gens qui nous regardaient comme deux bêtes qu'on emmène. Et ceux qu'on n'a pas prononcés encore, mais qui sont là, attirés par l'odeur des autres. Les plus conventionnels, les plus vulgaires, ceux qu'on déteste le plus, nous allons les dire. Nous allons sûrement les dire, on les dit toujours. Mon chéri. Ah non, je ne veux plus de mots assez. Maintenant, il faut que je te regarde. Attends. Attends, s'il te plaît. Ce qu'il faut, c'est sortir de la nuit. C'est bientôt le matin. Attends. Tout va redevenir simple. Ils vont nous apporter du café, des tartines. C'est trop long d'attendre le matin. C'est trop long d'attendre d'être vieux. Oh, s'il te plaît, mon chéri, ne te retourne pas. Ne me regarde pas, ne me regarde pas, mon chéri. Ne me regarde pas encore. Je ne suis peut-être pas celle que tu voulais que je sois. Celle que tu avais inventée dans le bonheur du premier jour. Mais tu me sens, n'est-ce pas, contre toi? Je suis là. Je suis douce et je t'aime. Je te donnerai tous les bonheurs que je peux te donner. Mais ne me demande pas plus que je ne peux. Ne me regarde pas. Laisse-moi vivre. Dis, je t'en prie. J'ai tellement envie de vivre. Vivre? Vivre? Comme ta mère et son amant, peut-être? Avec des attendrissements, des sourires, des indulgences, et puis des bons repas après lesquels on fait l'amour et tout s'arrange? Ah non. Non, je t'aime trop pour vivre! Il t'a tenu contre lui, ce gros homme. Il t'a touché avec ses mains pleines de bagues. Oui. Depuis quand es-tu sa maîtresse? Depuis un an. C'est vrai que tu étais avec lui avant-hier? Oui. La veille du jour où je t'ai rencontrée. Il est venu me chercher le soir après le spectacle. Il m'a fait un chantage. Il me faisait un chantage à chaque fois. Avoue que ce jour-là, tu m'as suivi de bon cœur, petite menteuse. De bon cœur? De bon cœur? Je crachais chaque fois que tu m'embrassais. Mais oui, ma colombe. Dès que tu m'avais lâchée, je me sauvais. Je me mettais toute nue dans ma chambre. Je me lavais, je me changeais de tout. Tu ne l'as jamais su, cela. Quelle folle! Oh, tu peux rire. Je te connais, tu ris jaune. Pourquoi tutoies-tu cet homme? Mais je ne le tutoie pas! Vous voyez? Et le reste est à l'avenant, jeune homme. Je vous dis que vous vous égarez. Ne prends pas tes airs de matamor. Ne fais pas celui qui est le plus fort. Pardon, mon chéri. Mais tout le monde se dit tu au théâtre. Vincent le tutoie, maman le tutoie. C'est pour cela que je te dis que je ne le tutoie pas. Je ne le tutoie pas parce que j'ai été sa maîtresse. Je le tutoie parce que tout le monde le tutoie. Oh, que c'est difficile, mais que c'est difficile de toujours expliquer tout! Il faut pourtant que tu expliques tout maintenant. Tu as dit qu'il t'avait fait un chantage ce soir-là, comme tous les soirs. Quel chantage? Toujours le même. De quoi venait-il te menacer? Il m'a menacé de me renvoyer, monsieur. Chaque fois, de ma place de régisseur. C'est un crétin! Il perd toujours tout! Je ne veux pas d'un crétin pareil dans ma troupe! Tu comprends, mon chéri? Ce petit, il est tout seul avec son frère qui a 10 ans. Ils n'ont que ce qu'ils gagnent pour vivre. Et puis c'est trop injuste. Tout le monde le déteste et ne pense qu'à le faire renvoyer. Vous comprenez, monsieur? Il faut que je m'occupe de toutes les malles, de tous les décors. Et je suis tout seul. Je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. C'est un abruti! Je vous dis que c'est un abruti! C'est toi qui l'abruti a toujours crié dans ses oreilles. Je suis sûre que si on lui parlait doucement, il comprendrait. Écoute-moi, petit Louis. Oui, je t'écoute, Rélis. Tu vois, à lui aussi, je lui dis tu. Tout le monde se dit tu. Écoute, petit Louis, c'est pourtant bien simple. Tu arrives à la gare de correspondance, tu descends vite du train, tu cours au fourgon, tu as pris soin de monter en queue pour arriver dès qu'il commence à décharger. Tu comptes les malles pour être sûr que les employés n'en oublient pas une. Oui, mais les autres sont pressés d'aller en ville. Ils m'apportent déjà leurs valises. Tu dois leur dire d'attendre, que tu t'occupes d'abord des malles. Oui, mais ils posent leurs valises à côté de moi sur le quai en me disant de faire attention et ils s'en vont. Et le quai est plein de monde qui passe. Il ne faut pas les laisser s'en aller. Mais alors je ne vois plus les malles si je leur cours après. J'y arriverai jamais. Je te dis que j'y arriverai jamais, il vaut mieux me laisser. C'est un idiot! Je vous dis que c'est un idiot! Cette fois, c'est décidé. C'est vu, c'est réglé, je le débarque à Châtellerault. Ne crie pas toujours, toi. Si tu cries, comment veux-tu qu'il comprenne? Il comprendra jamais! Je te dis que c'est un minus! À Châtellerault, tu passes à la caisse, bougre d'âne! Monsieur Dulac, si vous me renvoyez, je ne sais plus où aller. On est perdus tous les deux avec mon petit frère. Je vous jure que je ferai attention, monsieur Dulac. À la caisse! À la caisse, j'ai dit! Je l'aiderai. Je te promets que je m'arrangerai pour qu'ils ne perdent jamais plus rien. On les connaît, les promesses. Non, non, c'est une andouille. Saqué, débarqué, je n'en veux plus. Je te jure qu'il fera attention. Dis, Dulac. Je te le jure. Oh, tu jures toujours, toi, mais tu tiens pas souvent. Si. Si je le garde encore une fois, tu seras gentil? Oui. Et voilà comment cela se passait chaque fois. Pardon, mon chéri, j'étais lâche. Mais je ne t'aimais pas encore. Je n'aimais personne. Et il n'y avait que moi qui pouvais le défendre. Je sais bien que tu ne vas plus pouvoir me regarder maintenant. Je te verrai toujours avec les mains de cet homme sur toi. Je te verrai toujours comme il t'a décrite dans cette chambre. Oui, mon chéri. Il n'était même pas jaloux en venant te rechercher. Il ricanait. Une fille comme Eurydice, il faut qu'on lui passe ses petits caprices. Il t'a dit cela? Comment est-elle, la vôtre? On la sort du lit le matin? On l'arrache à ses romans policiers, à ses cigarettes? Il savait même que tu étais lâche. Que s'il venait te reprendre, tu ne resterais pas avec moi. Parce que tu es lâche, n'est-ce pas? Il te connaît mieux que moi. Oui, mon cher. Mais défends-toi, au moins. Pourquoi ne te défends-tu pas? Comment veux-tu que je me défende? En te mentant? Je suis désordonnée, c'est vrai. Je suis paresseuse. Je suis lâche. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu en sais, toi, petit Louis? Tu n'étais pas lâche quand tu me défendais contre tous. Je le sais, moi. Tu n'étais pas paresseuse quand tu te levais à 6 heures pour venir m'aider en cachette en attendant que les autres descendent. Comment? Tu te levais le matin pour aider ce petit imbécile à expédier les malles? Oui, Dulac. Et elle, qui ne retrouve jamais rien, qui gâche tout? C'est elle qui classait mes bulletins, qui m'empêchait de me tromper. Ah, on aura tout vu! Mais si ce petit dit vrai, parle, défends-toi mieux! Il dit vrai. Mais Dulac aussi dit vrai. Oh, c'est trop difficile! C'est vrai. C'est trop difficile. Tous les gens qui t'ont connu sont autour de toi. Toutes les mains qui t'ont touché sont là. Qui rampent sur toi. Tous les mots que tu as dit sont sur tes lèvres. Alors tu vois, vaut mieux que je remeure. Vous ne comprenez donc pas qu'elle est fatiguée, cette petite. Et puis qu'elle a honte de se défendre à la longue. Moi, je suis chasseur. Eh bien, il y a des petites bêtes comme cela. On les a par la lassitude, par le dégoût. Elles se retournent vers les chiens. Elles laissent faire. C'est comme cette histoire dans le car où je l'entends qui s'embrouille depuis un moment. Qui êtes-vous, vous? C'est le chauffeur du car, mon chéri. Vous êtes gentil d'être venu, monsieur. Et qu'est-ce que vous voulez me dire? Pourquoi la souris? Je la surveillais depuis un moment du coin de l'œil. Elle écrivait avec un petit crayon dans un coin, en attendant le départ, elle écrivait. Et elle pleurait en même temps. Quand elle a eu fini d'écrire, elle s'est séché les yeux avec son petit bout de mouchoir roulé en boule, et elle a tiré la langue pour fermer l'enveloppe. Alors moi, pour dire quelque chose, je lui ai dit, « J'espère qu'il en vaut la peine au moins, celui-là à qui vous écrivez. » Alors j'ai souri, parce que j'ai pensé à toi, mon chéri. Voilà. Si tu m'aimais, pourquoi partais-tu? Je pensais que je n'y arriverais jamais. À quoi? À te faire comprendre. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tout leur paraît si triste à ces enfants. Enfin, mon gros chat, Nous aussi, nous avons été des amants passionnés. Est-ce que cela nous a rendus tristes? Mais pas du tout, pas du tout. D'abord, moi, je l'ai toujours dit. Un peu d'amour, un peu d'argent, un peu de succès, la vie est belle. Un peu d'amour? Beaucoup d'amour. Cette gamine ne figure qu'elle a tout inventé avec son petit violoniste. Nous aussi, nous nous sommes adorés. Nous aussi, nous avons voulu nous tuer l'un pour l'autre. Tu te souviens, Biarritz, en 1913, quand j'ai voulu me jeter du haut du rocher de la Vierge? Oh, heureusement que je t'ai retenu par la cape, mon ami. Ah, c'était délicieux. On portait cette année-là de toutes petites capes dansées de soie du même drap que la jaquette. Pourquoi est-ce que j'avais voulu me tuer cette fois-là? C'était parce que la princesse Bosco m'avait retenu toute la nuit à réciter des vers chez elle. Mais non, la princesse Bosco, c'est quand j'ai voulu avaler du vinaigre. Je m'étais trompée de bouteille, c'était du vin, j'ai fait une grimace. Oh, nous sommes bêtes! C'était le jour du professeur de patin. Mais non, l'histoire avec le professeur de patin, c'était pendant la guerre, à Lausanne. Non, non, non, non, non. Le jour du rocher de la Vierge, c'est toi qui m'avais trompée. J'en suis bien sûre. D'ailleurs, le détail précis n'y ferait rien. Ce qui reste, c'est que nous aussi, nous nous sommes aimés passionnément, à en mourir. Eh bien, est-ce que nous en sommes morts? Non, maman. Tu vois, pauvre idiote, si tu avais écouté ta mère, mais tu ne m'écoutes jamais. Laisse maintenant, maman. Nous n'avons plus le temps. Tu vois, mon chéri, il ne faut pas trop nous plaindre. Tu avais raison. En voulant être heureux, nous serions peut-être devenus comme eux. Quelle horreur! Comment quelle horreur? Pourquoi quelle horreur? Pourquoi ne m'as-tu pas tout avoué le premier jour? Le premier jour, j'aurais peut-être pu comprendre. Tu crois que c'est parce que j'étais lâche? Eh bien, ce n'était pas parce que j'étais lâche. Pourquoi alors? Pourquoi? C'est trop difficile, mon chéri. Je m'embrouillerai encore. Et puis, je n'ai plus le temps. Je te demande pardon. Ne bouge pas. Mais qui êtes-vous, monsieur? Vous devez faire erreur, je ne me souviens pas de vous. Je suis le secrétaire du commissaire de police, mademoiselle. Vous ne m'avez jamais vu. Ah, c'est vous alors qui avez ma lettre. Rendez-la-moi, s'il vous plaît, monsieur. Rendez-la-moi. Cela m'est impossible, mademoiselle. Je ne veux pas que ce gros homme sale et content de lui la lise. Je puis vous promettre que monsieur le commissaire ne la lira pas, mademoiselle. Je l'ai enlevée du dossier. L'affaire est classée. Personne ne s'en apercevra jamais. Je l'ai là. Je la relis tous les jours. Mais moi, ce n'est pas la même chose. Je m'en vais, mon chéri. Depuis hier déjà, j'avais peur. Et en dormant, tu l'as entendu. Je disais déjà, c'est difficile. Tu me voyais si belle, mon chéri. Je veux dire belle moralement, car je sais bien que physiquement, tu ne m'as jamais trouvée très très belle. Tu me voyais si forte, si pure, tout à fait ta petite sœur. Je n'y serais jamais arrivé. Surtout maintenant que l'autre va venir. Un autre dont je ne t'avais pas parlé. Qui a été aussi mon amant. Oh, ne crois pas que je l'ai aimé, celui-là. Tu le verras, on ne peut pas l'aimer. Ne crois pas non plus que je lui ai cédé parce que j'ai eu peur de lui. Tu ne pourras pas comprendre, je le sais bien. Mais je me sentais si forte. Et puis aussi, je m'estimais si peu. Je ne t'aimais pas, mon chéri. Voilà tout le secret. Je ne t'aimais pas encore. Je ne savais pas. Depuis hier, je rougis si on me regarde. Je tremble si on me frôle. Je pleure qu'on ait osé me désirer. C'est pour cela que je m'en vais, mon chéri. Toute seule. Pas seulement parce que j'ai peur qu'il te dise comme il m'a connue. Pas seulement parce que j'ai peur que tu te mettes à ne plus m'aimer. Je m'en vais parce que je suis toute rouge de honte. Je m'en vais, mon capitaine, et je vous quitte précisément parce que vous m'avez appris que j'étais un bon petit soldat. Pardon, Eurydice. Il ne faut pas, mon chéri. C'est moi qui te demande pardon. Excusez-moi, je dois partir. Eurydice! Bonjour, monsieur. Il fait pas chaud ce matin. Je vous sers quelque chose? Oui. Ce que vous voudrez. Un café? Bien, monsieur. T'es là, fiston. Hé! J'ai pas pris le train de Palavas. Tu sais, complet, archi-complet. Et ces animaux-là voulaient me faire payer un supplément de seconde. Alors je suis redescendu, je vais me plaindre à la compagnie. Un voyageur à trois des places assises dans toute classe. Enfin, ils auraient dû me déclasser gratis. Tu bois un café? Oui. J'en prendrais bien un. J'ai passé la nuit dans la salle d'attente, il faisait pas chaud. Mais à te dire vrai, je me suis glissé dans celle des premières. Une excellente banquette de cuir, mon cher. J'ai dormi comme un prince. Alors qu'est-ce que tu as décidé, fiston? La nuit porte conseil. Hein? Tu viens tout de même avec moi? Oui, papa. Ben, je savais bien que t'abandonnerais pas ton vieux père. Oh, écoute, nous allons nous payer, pour fêter ça, un bon petit déjeuner à Perpignan. Alors figure-toi, mon cher, que je connais là-bas un petit prix fixe à 15 francs 75, non, 20 compris, café plus café. Mais oui, mon cher, et une excellente fine. Et si tu mets 4 francs de supplément, t'as du homard à la place du hors-d'œuvre. Hein? C'est la belle vie, quoi, fiston? La belle vie? Oui, papa. C'est ta merveille, Itos. Oui. Ça doit valoir quelque chose, un cigare comme ça. Oui. Et alors vous, vous fumez pas? Non. Tiens, je comprends pas comment, ne fumant pas, vous avez des cigares de ce prix-là sur vous. Vous êtes voyageur de commerce, peut-être? C'est cela. Hein? Des grosses affaires, probablement. Oui. Ah, oui. Alors là, je comprends. Mais... faut pouvoir amadouer le client. On sort au bon moment un merveilleux de sa poche, vous fumez, et l'autre dit oui, trop heureux, et hop, le tour est joué. Il n'y a plus qu'à déduire le prix du merveilleux du prix de vente auquel on l'avait d'ailleurs ajouté. Vous êtes tous des farceurs, oui. Hein? Moi, j'aurais adoré faire des affaires. Pas toi, fiston? Faut te secouer, mon petit. Hein. Faut te secouer. Tenez, offrez-lui donc un merveilleux. Si tu le finis pas, je le finirai. Moi, quand je suis triste, un bon cigare et... Enfin, chacun ses goûts. Il faut te lever, Orphée. Eh ben oui, n'est-ce pas? Je me tue à le lui dire. Non. Mais seulement, il n'écoute jamais son père. Il faut te lever et reprendre la vie où tu l'as laissée. On nous attend, justement, à Perpignan. Tais-toi! Oh, bah, je dis qu'on nous attend à Perpignan. Je ne tourne pas. Hein? Alors, je dis rien de mal. Je ne retournerai jamais avec toi. Ta vie est pourtant là, qui t'attend, comme une vieille veste qu'il faut remettre le matin. Eh bien, je ne la remettrai pas. En as-tu une autre? Pourquoi ne retournerais-tu pas avec lui? Moi, je le trouve charmant, ton père. Ah, je lui fais pas dire. Et puis, tu le connais. C'est beaucoup, cela. Tu peux lui dire de se taire, marcher à côté de lui, sans parler. Imagines-tu le supplice qui te guette sans lui? Je serai seul. J'ai l'habitude. Quelle erreur grossière. Tu ne seras pas seul, on n'est jamais seul. On est avec soi, c'est autre chose, tu le sais bien. Reprends donc ta vie avec ton père. Il te fera chaque jour ses remarques sur la dureté des temps, sur les menus des prix fixes. Cela t'occupera. Tu seras plus seul que tout seul. En fait, prix fixe, j'en connais justement un petit à Perpignan. Le restaurant Bouillon Jeannachette. Vous connaissez peut-être ? Il est très fréquenté par vos confrères. Non. Vous avez là pour 15 francs 75, 20 compris. Hors d'œuvre ou homard avec 4 francs de supplément. Plat de viande garnie, très copieux. Légumes, fromage, dessert, fruits et pâtisserie. Attendez, attendez, c'est pas fini. Café, pousse, café, cognac ou pour les dames, liqueur douce. Tenez, le petit menu de Jeannachette avec un bon cigare. Comme ça, là, eh ben. Oh, je regrette presque de l'avoir fumé tout de suite. Alors, dis fiston, tu viens à Perpignan. C'est moi qui t'invite. Non, papa. Eh ben, t'as tort, fiston, t'as tort. C'est vrai, Orphée. Le seul endroit au monde où le fantôme d'Eurydice n'est pas, c'est au restaurant Bouillon Jeannachette à Perpignan. Tu devrais y courir, Orphée. Vous croyez donc que j'ai envie de l'oublier ? Ah, il le faut, mon vieux. Le plus vite possible. C'est fini maintenant, tu es tranquille. Oublie, Orphée, oublie jusqu'au nom d'Eurydice. Prends ton père par le bras, retourne vers ses restaurants. La vie peut reprendre pour toi son visage rassurant, la mort son pourcentage habituel de chance, le désespoir sa forme supportable. Allons, lève-toi, suis ton père. Tu as encore une belle carrière de vivant devant toi. Tu sais, j'ai aimé, moi aussi, fiston. Tu vois, lui aussi, il a aimé, regarde-le. Ben, c'est vrai, regarde-moi. Je sais bien que c'est triste. J'ai souffert, moi aussi. Je te parle même pas de ta mère. Quand elle est morte, bon, il y avait beau temps, nous nous aimions plus. J'ai perdu une femme. Une femme que j'ai adorée, une Toulousaine. Une créature de feu, emportée en 8 jours, les bronches. Je sanglotais comme une bête en suivant le comptoir. Le convoi, on a dû me faire entrer dans un café. Regarde-moi. C'est vrai, regarde-le. Je ne dis pas que quand je vais m'asseoir par hasard au grand comptoir toulousain où nous fréquentions ensemble, j'ai pas un petit serrement de cœur en dépliant ma serviette. Mais, basta. La vie est là, qu'est-ce que tu veux ? Faut bien la vivre. On a mal d'abord, c'est entendu. Mais bientôt, tu verras, on ressent malgré soi une douceur nouvelle. Un beau matin, oui, moi, ça m'a pris un matin, en tout cas. Hein. On se lave, on noue sa cravate, il fait soleil. Ben, vous voilà dans la rue et tout d'un coup, pout, on s'aperçoit que les femmes sont redevenues jolies. Oui, nous sommes terribles, mon cher, nous tous les mêmes. Hein. Des coquettes. Écoute bien, Orphée. Je ne dis pas qu'on fait le flambard comme ça avec la première. Oh, on n'est tout de même pas des brutes. Et au premier mot, ça fait drôle, bien sûr. C'est même curieux, on ne peut pas faire autrement que de commencer par lui parler de l'autre. On lui dit comment on se trouve seul, désemparé. C'est vrai, après tout, et on est sincère. Tu ne peux pas te figurer, mon cher, comme ce genre de récit peut attendrir les femmes. C'est bien simple, je me servais encore du truc 10 ans plus tard. Tais-toi, papa. Pourquoi veux-tu le faire taire ? Il te parle comme la vie te parlera par toutes les bouches. Mais la vie est magnifique, mon cher. Écoute bien. Quand on a la santé, le muscle, l'étincelle. Mais mon ami, il n'y a qu'à aller tout droit devant soi. Je ne te comprends pas, mon cher. D'abord, la bonne humeur. Ah, ça, la bonne humeur, c'est une question d'équilibre et un seul secret pour la bonne humeur, la gymnastique quotidienne. Si je suis dans la forme où vous me voyez, c'est que je n'ai jamais cessé de faire de la gymnastique. 10 minutes tous les matins. Bon, on ne t'en demande pas davantage. 10 minutes, pas grand-chose, mais 10 minutes qui comptent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. C'est pas difficile, hein. 1, 2, 3. Alors, tu respires. Respire à fond. 1, 2. Enfin, et puis alors surtout... La santé dans la gaieté. La gaieté dans la santé, vice-versa. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà, c'est tout mon secret. Tu vois, Orphée, c'est pourtant simple. C'est une question de volonté. Tout dans la vie est une question de volonté. Moi, voyez-vous, cher monsieur, j'aime que la jeunesse soit ambitieuse. Écoute-moi. T'as pensé à l'argent? Tu as du chagrin, d'accord, mais t'es jeune. Songe que tu peux devenir riche. Hein, l'argent. L'argent, mon cher monsieur, toute la vie, l'argent. Le luxe, l'élégance, la table, les femmes. Songe aux femmes, fiston. Songe à l'amour. Les brunes, les blondes, les rousses, les teintes. Quelle diversité, quel choix. Et c'est pour toi. T'es le sultan. Tu te promènes, tu te lèves le doigt. Toc. Celle-là, allez. T'es riche, t'es jeune, t'es beau. Elle accourt. Et alors là, ce sont les nuits folles. La pension, les cris, les borsures, les baisers fous, l'ombre chaude, quelque chose d'espagnol. Ou bien sur les divans, des boudoirs clos, de 5 à 7, dans les fourrures claires, les jeux d'un feu de bois sur la nudité d'une enfant blonde et perverse. Et d'autres jeux souriants et acides. Je ne vais pas te dire dans 20 pages, mon cher. Les sensations. Toutes les sensations. Une vie de sensations. Mais alors, où est ton chagrin? Fumé. Tu vois, Orphée? Et l'homme qui te parle a souffert. Et il a bu tous les calices. Et le sais-tu souvent? Ses dents mordant sa lèvre jusqu'à ce que le sang jaillisse pour ne pas crier. Ses compagnons de fête ne se sont pas doutés de la torture qu'il subissait parfois. Et pourtant, la trahison, le mépris, l'injustice. Tu t'étonnes quelquefois de ma taille fléchie, de mes cheveux précocement blanchis. Enfin, ben, si tu savais, si tu savais le poids d'une vie sur les épaules d'un homme. Un autre cigare? Ah oui, volontiers. Oh, volontiers. Oh, je suis confus. Oh, je suis confus vraiment, mais je ne peux pas résister. Ah, dites donc, mon cher. Savez-vous que je me suis laissé dire que les gamines qui faisaient ça les roulaient toutes nues sur leurs cuisses? Sur leurs cuisses. Qu'est-ce que je disais? Le poids d'une vie. Comment ça, le poids d'une vie? Si tu savais le poids d'une vie sur les épaules d'un homme. Ah oui, si tu savais. Si tu savais, fiston, le poids d'une vie sur les épaules d'un homme. C'est très lourd. C'est très lourd, fiston, c'est extrêmement lourd. Il est merveilleux. Hein? J'ai l'impression de lui fumer la cuisse. Tu as écouté ton père, Orphée? Il faut toujours écouter son père. Les pères ont toujours raison. Même les imbéciles, Orphée. La vie n'a pas besoin de l'intelligence. C'est même ce qu'elle peut rencontrer de plus gênant dans sa marche joyeuse. La vie? Ah, ne dis pas de mal d'elle. Tu la défendais hier soir. C'est si loin hier. Je te l'avais pourtant dit qu'elle te ferait perdre Eurydice. N'accusez donc pas la vie. La vie, ça ne veut rien dire. C'est moi. C'est moi seul. Ah, toi seul, comme tu es orgueilleux. Précisément, c'est mon orgueil. Je ne suis pas de ceux qui se consolent d'un mal en disant « c'est la vie ». Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi que ce soit la vie? Qu'un million de grains de sable soient broyés en même temps que moi? Ce sont tes frères, comme on dit. Je les hais, tous, un par un. Alors qu'on ne vienne pas essayer de me faire après, de la foule, une grande sœur attendrissante. On est seul. On est bien seul. C'est la seule chose sûre. Toi, tu es seul parce que tu as perdu Eurydice. Songe que ce que te réservait la vie, ta chère vie, c'était de te retrouver seul un jour aux côtés d'Eurydice vivante. Non. Si? Un jour ou l'autre, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, si tu veux, sans cesser de l'aimer, peut-être, tu te serais aperçu que tu n'avais plus envie d'Eurydice, qu'Eurydice n'avait plus envie de toi. Non. Si, ça aurait été aussi bête que cela. Tu aurais été le monsieur qui trompe Eurydice. Oh, jamais. Mettons, si tu préfères, que tu aurais été le monsieur qui a envie de tromper Eurydice. Ce n'est pas mieux. Je lui serais resté fidèle, toujours. Ah, peut-être, peut-être. Avec des regards qui n'osent pas vers les autres femmes. et une haine lente et sûre qui se serait mise à grandir entre vous pour toutes les filles que tu n'aurais pas suivies à cause d'elles dans la rue. Ce n'est pas vrai. Si. Jusqu'au jour où l'une d'elles serait passée devant toi, jeune et dure, sans trace d'une douleur, sans trace d'une pensée, une femme toute neuve, Orphée, devant ta lassitude. Alors, tu aurais pu voir la mort, la trahison, le mensonge devenir soudain les mesures les plus simples. L'injustice prendre un autre nom, la fidélité un autre visage. Non, j'aurais fermé les yeux, j'aurais fui. Ah, la première fois peut-être. Et tu aurais encore marché quelque temps à côté d'Eurydice, avec les yeux d'un homme qui cherche à perdre son chien dans la rue. Mais la centième fois, Orphée. D'ailleurs, Eurydice t'aurait peut-être abandonné la première. Non. Pourquoi pas? Parce qu'elle t'aimait hier? Un petit oiseau capable de s'envoler sans savoir pourquoi, quitte à en mourir, elle aussi. Nous ne pouvions pas cesser de nous aimer. Ah, elle n'aurait peut-être pas cessé de t'aimer, la pauvre. Ce n'est pas si facile de cesser d'aimer. La tendresse à la vie dure, tu sais. Elle aurait peut-être eu une façon de se donner à toi, avant d'aller retrouver son amant. Si humble, si gentil, que tu aurais presque pu être encore un peu heureux, c'est vrai. Non! Pas nous! Pas nous! Vous comme les autres, vous plus que les autres. Avec votre façon d'être tendre, vous vous seriez déchiré jusqu'au bout. Non. Si? Ou bien alors un jour, lassé, souriant, veule, on aurait pu voir un Orphée et une Eurydice complaisants. Non, ça aurait duré toujours. Jusqu'à ce que je l'aie vieille et blanche à côté de moi, jusqu'à ce que je sois vieux près d'elle. La vie, ta chère vie, ne t'aurait pas laissé arriver jusque-là. L'amour d'Orphée et d'Eurydice ne lui aurait pas échappé. Si. Non, petit homme, vous êtes tous les mêmes. Vous avez soif d'éternité et dès le premier baiser, vous êtes vert d'épouvante parce que vous sentez obscurément que cela ne pourra pas durer. Ah, les serments sont vite épuisés. Alors vous vous bâtissez des maisons parce que les pierres, elles, durent. Vous faites un enfant pour rester aimé. Vous misez allègrement le bonheur de cette petite recrue innocente dans ce combat douteux sur ce qu'il y a de plus fragile au monde, sur votre amour d'homme et de femme. Et cela se dissout. Cela s'effrite, cela se brise tout de même, comme pour ceux qui n'avaient rien juré. Mais quand je vous dis, moi, que la vie, c'est magnifique. Sur la cuisse. La vie ne t'aurait pas laissé Eurydice, petit homme. Mais si tu acceptes, Eurydice peut être rendue pour toujours. L'Eurydice de la première fois, éternellement semblable à elle-même. Non. Non, je ne veux pas mourir. Je hais la mort. La mort est belle. Elle seule donne à l'amour son vrai climat. Tu écoutais ton père te parler de la vie tout à l'heure. C'était grotesque, n'est-ce pas? C'était lamentable. Eh bien, c'était cela. Cette pitrerie, ce mélo absurde, c'est la vie. Cette lourdeur, ces effets de théâtre, c'est bien elle. Va te promener là-dedans avec ta petite Eurydice. Tu la retrouveras à la sortie avec des taches de main plein sa robe. Tu te retrouveras, toi, étrangement fourbu, si tu la retrouves et si tu te retrouves. Je t'offre une Eurydice intacte. Une Eurydice au vrai visage que la vie ne t'aurait jamais donné. La veux-tu? Orphée, regarde ton père. Il est laid. Il est pitoyable. Il a vécu, qui sait? Il n'a peut-être pas été aussi bête qu'il le disait tout à l'heure. Il y a peut-être eu une minute où il est passé à côté de l'amour ou de la beauté. Regarde-le maintenant, cramponné à l'existence, avec sa pauvre carcasse ronflante, avachie sur ce fauteuil. Regarde-le bien. Les gens croient que l'usure de la vie sur un visage, c'est l'épouvante de la mort. Quelle erreur! C'est l'épouvante de la vie. Ces adolescents ridés, toujours ricaneurs, toujours impuissants, toujours veulent et de plus en plus sûrs d'eux, ce sont les hommes. Regarde bien ton jeune père, Orphée, et pense qu'Eurydice t'attend. Où? Tu veux toujours tout savoir, petit homme. Je t'aime bien. J'étais désolé que tu aies mal, mais cela va être fini maintenant. Tu vas voir comme tout va devenir pur, lumineux, limpide. Un monde pour toi, petit Orphée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prends ton manteau, la nuit est fraîche. Sors de la ville par la route qui est devant toi. Quand les maisons s'espaceront, tu arriveras sur une hauteur, près d'un petit bois d'olivier. C'est là. Là ? Que tu as rendez-vous avec ta mort, à 9 heures. Il est presque l'heure, ne la fais pas attendre. Je reverrai Eurydice. Aussitôt. C'est bien. Au revoir, petit homme. Entre. Il a accepté ? Oui. S'il te plaît, mon chéri, reviens vite. Il n'aura pas mal, au moins. Est-ce que tu as eu mal, toi ? Monsieur me permet, je vais faire la couverture. J'entendais monsieur parler, j'avais peur de le déranger. Je parlais seul. Ah, moi aussi, ça m'arrive. On se dit parfois des choses extraordinaires que les autres ne vous auraient pas dites. Comment va le jeune homme, monsieur ? Bien. Ça a dû être un coup terrible. Oui. Croyez-vous qu'il se consolera jamais ? Oui. Quelle heure avez-vous ? 9h02, monsieur. Garçon ? Monsieur ? Faites préparer ma note, je pars ce soir. Monsieur m'avait dit hier. J'ai réfléchi, cette fois je pars. Bien, monsieur. Quelle heure avez-vous maintenant ? 9h juste, monsieur. Le voilà. Il pourra me regarder. Oui, maintenant, sans crainte de te perdre. Mon chéri. Comme tu as été long. J'ai dormi là ? Ah bon, j'ai dormi ? Où est Orphée ? Hé ! Où est mon fils Orphée ? Enfin ! Où est mon fils Orphée ? Orphée est avec Eurydice. Enfin. C'était Eurydice de Jean Anouilh, avec Francine Berger, la mère d'Eurydice, Jacques Romy, le père d'Orphée, Pierre Atté, Vincent, Jean-Claude Bouillot, Dulac, Gilles Knezet, Monsieur Henri, Bernard Bouillon, le régisseur, Jean-Paul Tamaris, le garçon d'hôtel, Maurice Bourbon, le chauffeur, Nathalie Canouille, la jeune fille, Vincent Deboire, Mathias, Philippe Ciboulet, le secrétaire, et Roméo de Mello Martins, Orphée, Sylvie Ferraud, Eurydice. Musique originale, Gérard Iglesias. Au violon, Jean-Louis Descamps. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe technique, Claude Nior, Agnès Maton, Jean-Marc Potry. Lumière, Jean-Michel Breton, Olivier Le Pontois. Assistant, Patrick Molinier. Réalisation, Jean-Jacques Vienne.